changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit nos chroniqueurs réguliers Véronique Mire, Charles Delrioux et Frédéric Bernard. Assemblage requis tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 1er avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah oui, bienvenue à l'Assemblage requis. L'émission matinale en pièces détachées. Qu'est-ce qui se passe dans quel sens? Je sais pas, on dirait que t'as 8 bits, Mathieu. J'ai 8 bits, ça m'arrive des fois. Quand je reviens de bord, je me rends compte, waouh, crime, je viens de créer une tornade. Ah! Avec mes 8 bits. Okay. Aujourd'hui à l'émission, Steph, on a un plan chargé de pas grand monde, mais qui prennent beaucoup de place, dans le sens que l'émission est bien remplie, elle a beaucoup de viande sur l'os. On va avoir à 8h la chronique plein air de Charles-Antoine Rioux. Ça s'en vient dans environ une demi-heure, un petit peu plus. Après ça, à 8h30, Frédéric Bernard et Crackpot TV nous parlent encore d'une série à se procurer, à se visionner dans nos... minuscule temps libre quand ça arrive. Et à 9h et quelques, genre, on va sûrement remplir avec du ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais maintenant, en début d'émission, on cherche pas même plus loin. On aurait beau essayer de chercher quelque chose de mieux, mais on ne pourrait pas trouver quelque chose de mieux. Genre midi à 14h. Genre, disons, si on veut. Moi, je veux. Tu veux? Ben tiens, moi je te présente la fille qui est là à toute heure, tout moment, aussitôt qu'on lui demande. C'est Véronique Mire et le Véronictionnaire. Bonjour Véronique Mire! Salut, t'es... Ah, ben Colin, ben oui, regardons ça. Salut! Salut! Ça fonctionne. Ben oui, hein? Ouais, c'est ça. Les micros se sont croisés. C'est pas grave, c'est l'ordre des micros dans le studio, ça arrive, il faut attendre que ça se mélange. Mais bref, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bien, merci. Ça fait plaisir que Colin, l'honneur est à nous de te recevoir. Pour la lettre D, c'est là qu'on est rendu. On oui. fait l'alphabet à l'envers sur une échelle d'un millénaire, je pense. On va se rendre jusqu'au bout. Pas fait. Donc, c'est la première partie de la lettre D parce que rendu au début de l'alphabet, je sais pas pourquoi, mais dans la langue française, on s'est donné le mot. Utiliser de plus en plus les lettres du début de l'alphabet, je pense. Eh oui! Rendu à la fin, on s'est dit, ben là, il nous en reste. On va se garder quelques mots, mais bon... Toi, tu vois que t'appelles ça la fin alors que c'est le début. T'es tellement rendu à l'envers. Ah, oh, d'accord. T'es mêlé un peu, là. Puis t'as encore accroché sur la chanson thème, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. T'as aimé? Wow! Vraiment? Ouais. Moi, je m'attendais à ce que le phénomène s'étende dans toute l'émission, mais en tout cas, je suis déçue. Ouais, hein, ça, c'est ça. Je me disais, est-ce que ma toune à moi va être de même aussi? Si seulement il y avait la technologie pour changer toutes les chansons en 8 bits. C'est pas toi, Mathieu, qui a fait ça hier soir Oui, en fait. Ouais. Tu l'as composé? Composé à mes propres mains de musicien. Non, c'est pas vrai. Bref, donc... Oui, donc D, on commence avec D. Oui, débile, délirant. Délicieux. Drôle. On va dérober l'information de ton cerveau. Mm-hmm. Ouais. Regarde, j'ai dormi aucun mot. Dinde! Ça va être diabolique. Tiens. Oui, ben on va commencer. Pâques s'en vient, puis ça m'a fait penser à Pâques, mais de loin, en fait. Les dragées, est-ce que ça vous dit quelque chose? Des bonbons mous, ça? C'est pas mou, c'est comme semi-mouchi. Ouais. C'est des bonbons qu'on donne souvent dans les mariages et baptêmes. Là, c'est blanc, tout lisse. Et au centre, il y a une amande ou... Des petits bouts d'anis, là. Ouais, on voit ça, pas tout le temps, mais souvent. Les Jelly Beans, ouais, ils appellent ça des dragées. Donc, l'origine des dragées, alors, le mot dragée vient du latin tragemata, qui signifie friandise, tout bêtement. Alors, c'est une amande enrobée de sucre qui serait née de l'étourderie d'un confiseur romain vers 170 avant Jésus-Christ. Donc, Julius Dragatus, hein, ça ressemble quand même à dragée aussi, son nom. Il a échappé une amande dans une jarre de miel, puis il s'est dit « Hey! » C'est bon. C'est pas mal bon, hein, c'est ça. Donc, on s'est mis à les métamorphoser, des amandes, des noix, des épices enrobées de miel qui étaient offertes aux invités lors des cérémonies, surtout de naissance et de mariage. Les symboles du partage des moments les plus heureux de l'existence. Au Moyen-Âge, les croisés ont apporté de l'Orient un ingrédient merveilleux qui a changé toute l'alimentation, le sucre. Alors, on s'est mis à utiliser le sucre pour faire les dragées, ce qui leur a donné leur apparence lisse. Et là, étonnamment, il y a eu une transition pendant laquelle les dragées étaient seulement faites par les apothicaires, là, les anciens pharmaciens. Et eux utilisaient des graines, bon, toutes sortes de graines, là, des amandes, etc., des graines de tournesol ou des fruits confits aussi, enrobés de miel qu'ils appelaient des épices en bouche. Ah! Ils les prescrivaient pour faciliter la digestion ou rafraîchir l'haleine. Alors, c'était le bon temps, ça, quand les médicaments étaient aussi des bonbons. Quand même, hein, c'est pas pire, tu sais. Bon rêve. On va prescrire des dragées. Ouais, ouais, ouais. Je me sens mal, soudainement. Tu vas aller faire prescrire du caramel mou. Quand même, ça serait appréciable. Alors, depuis le 13e siècle, la capitale des dragées est la ville de Verdun, en Lorraine. Oh, fou, j'ai peur. La recette d'origine était faite à partir de graines d'anis vert enrobées de sucre. On les recommandait notamment aux femmes enceintes ou aux accouchées, qui, elles, les offraient sans doute à leurs visiteurs, d'où, si on veut, la tradition là, de les offrir pendant les baptêmes. Ah, ben moi, j'aimerais savoir si y a ça à dragée UQTR. S'il y en donne. Dragée UQTR, c'est ça? Puis s'ils commettent une infraction, on pourrait dire qu'ils ont une amende à l'intérieur. Comme... Oh, hein? Excellent! Oh. Tu sais, dragée UQTR. Ça prendrait des dragées vertes. C'est vrai? C'est pas mal. Hein? C'est vrai, ça. Ça se fait, c'est sûr que ça doit se faire. Donc, à Versailles, le roi Soleil, lui, dans la cour du roi Soleil, les dragées faisaient fureur. On les utilisait comme épices de chambre. En fait, c'est un peu le principe du chocolat sur la tête d'oreiller. Mm-hmm. On mettait des épices de chambre dans la chambre de tous les invités, donc les dragées. Et les gens avaient dans la chambre ce qu'on appelle un drageoir, là, donc pour mettre les dragées. Ouais, c'est assez proche. Hein. Ou ils en portaient aussi à la ceinture, mais sous forme de pochette. Et ils en offraient à leurs courtisans, si on veut. Là, hein. T'avais fait une bonne action. C'est tellement louche, ça, de se promener avec des bonbons. C'est quoi, y avait-tu une vanne pas de vite en plus? On sait pas. Là. C'est assez spécial. Hein? Donc, ils en offraient comme ça à la pochetée. En 1777, une ordonnance royale a fait que là, c'était plus les apothicaires. Je vous rappelle que c'est les apothicaires qui ont donné, bon, sous forme de prescription. J'imagine qu'à la cour, on faisait exception parce que ils aimaient ça. Hein, c'était à volonté, c'était des drogués, de toute façon. C'est ça. C'est connu, la haute société consomme énormément, tu sais. Donc, c'est devenu l'apanage des confiseurs. Alors, de nos jours, on en offre, comme je vous l'ai dit en entrée, au mariage, au baptême. L'amertume de l'amande mêlée à la douceur du sucre symbolise les joies et les peines de la vie. Mm-hmm. Quand même. Non, moi, les amandes, c'est le bonheur. C'est amer, là, mais ça doit dépendre ce que tu mets dedans, tu sais, dans la dragée. Ouais, c'est pas ça, juste des amandes. Mais ça, est-ce qu'on peut se procurer ça dans un magasin de bonbons, des dragées? Oui, j'ai pas vu ça, il me semble, visuellement. On dirait que ça m'a pas jamais marqué, tu sais. Ben, c'est souvent blanc ou, comme dans le temps de Pâques, il y en a beaucoup, des pastels. Okay. Je vais les chercher. C'est pas particulièrement bon. Super bon, mais bon. Chacun ses goûts, là. Disons, le monde de la confiserie a évolué, là. Parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui, là, quand même. Donc, au mariage, on les offre en nombre impair, souvent au nombre de 5, pour représenter la fécondité, la félicité, la prospérité, la santé et la longévité. Encore de la superstition, ça. Et oui, donc voilà pour les dragées. Épée de Damoclès. On entend tout le temps parler, on se demande si elle est au-dessus de la tête, mais tu sais pas pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle représente? Puis là, si t'es paranoïaque, là, moindrement, tu regardes partout en haut de toi. C'est ça. Vas-tu me tomber dessus? T'es superstitieux, tu lances des dragées derrière toi. Ben oui, au nombre de 5. Au nombre de 5. Sinon, ça doit venir des Gaulois, ça, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, puis à un moment donné, il y a une épée qui est rentrée en jeu. Là. Ben, en fait, ça vient du temps. C'est toujours souvent les Grecs ou les Romains, là. Donc, l'expression « avoir une épée de Damoclès » exprime un danger imminent, comme on le sait, qui plane au-dessus de la tête de quelqu'un au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Damoclès, qui est un courtisan du tyran de Syracuse, Denis l'Ancien. Au cours d'un repas, Damoclès dit à Denis, hein, de son petit nom, qui enviait sa vie. Ce dernier, de façon générale. Alors, lui, Denis, pour le faire réfléchir, Denis l'Ancien, là, je vais bien le nommer. Ouais, ça a traversé le temps, ce nom-là. Ouais, vraiment. Ça reste avec un Y. En plus. En passant. Fait que déjà, là, la mode d'écrire les noms tout croche, là. Oui, il était grec. Voilà. Je pense qu'il y a tout un Y dans le nom. Ça vient de là, je me dis. Ça doit. Ben, 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, c'est, ouais, c'est, hein? Bon. On cherchera tout à l'heure. Donc, lui, ben, c'est ça. Il dit qu'il a envie sa vie et sa condition, etc. Fait que pour le faire réfléchir, il a suspendu une épée au-dessus de sa tête tenue par un crin de cheval tout le long du banquet. Alors, pendant le banquet, Damoclès a eu le temps de réfléchir sur sa condition et la valeur de sa vie. Alors, depuis ce temps-là, ben, c'est pour ça qu'on dit l'épée de Damoclès plane au-dessus de notre tête. C'est une belle histoire. Mais elle ne lui est pas tombée sur la tête. Tu disais que c'était lors d'un banquet. Lors du banquier, s'il y avait une épée au-dessus de la tête du monde, ça donnerait un petit enjeu de plus parce que c'est pas tant bon jeu quand les valises s'ouvrir. Peut-être que ça avancerait. Peut-être qu'à un moment donné, on arrêterait de niaiser. Il y aurait peut-être deux personnes en une heure. T'sais. Arrête d'être les vedettes qui viennent porter des cadeaux, là, oui. Arrête au but, là. T'sais. Ouais, arrête d'aller après la pause, là. Arrête d'applaudir sur ton bras, t'sais. C'est parti. On l'entend pas partout. Bon, donc, épée de Damoclès. Maintenant, les dominos. Oh! De Noël ou... OK, non, là, je suis seule à connaître ça. La pâtisserie, c'est quoi le bonbon? C'est quoi les jeux, des dominos? Ben, domino de Noël, là, en Gaspésie, en tout cas, dans mon coin, là, ouais. C'est l'équivalent du Nanaimo. Ah, wow! On fait ça à Noël. Et boy, c'est pas mal fun. Domino de Noël. Ah, je pense que tu disais domino de Noël. Non, moi, je fais pas ça à moitié Noël. OK, OK. Donc, les dominos. Alors, il y a deux hypothèses sur l'origine des dominos. Il y en a, bon, selon la première, ça viendrait de l'Empire du Milieu. Peu après l'an 1000... Pas dans le Seigneur des Anneaux, ça? Non. Non. Donc, l'empereur Huizong, qui est associé à l'art chinois, là, qui a été très, très reconnu dans l'art chinois, ce serait peut-être lui qui l'aurait inventé. Ou, selon l'autre hypothèse, il n'y a personne associé vraiment, mais ce serait un chef de guerre quelconque là, qui aurait créé le jeu pour garder ses soldats éveillés pendant la garde la nuit. Alors, ça a traversé... ça viendrait de l'Orient, là, en tout cas, parce qu'on sait que ça vient de la Chine, dans ce coin-là. Et c'est arrivé en Occident, surtout en Italie, vers 1760, puis en France, évidemment, d'où le nom français de domino, qui serait un clin d'œil à la cape des Dominicains, qui est blanche, tachetée de noir, à cette époque. Ça aurait pu être des Dalmatiens aussi. Oh, ça aurait été mignon. Ça serait appelé comment, hein? Les Dalmatos? Des Dalmino, des Dominiens? Des Dalmino. Les Dalmino, non, c'est ça, c'est tu te trompes avec les Daltoniens, là. Dalminos, je pense que ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait des dominos. Au 19e siècle, c'est l'âge d'or des dominos. Bon, Guy de Maupassant et Alfred de Musset adorent jouer aux dominos dans les cafés. Et là, la qualité des pièces varie selon les bourses de chacun. Donc, il y en a qui sont faites en bois blanc et d'autres, pour les plus riches, qui sont en nacre. Donc, la boîte qui vient avec coûtait aussi très cher. Mais le matériau le plus utilisé était l'os animal, surtout l'os de bœuf. On utilisait des tibias de bœuf préalablement bouillis, évidemment, avant d'être découpés en lamelles, puis blanchis dans un champ là, pour prendre leur couleur. Donc, après la guerre, on s'est dit, hey, ça n'a pas de sens, la Grande Guerre, la première. On va utiliser plutôt le plastique que les os, hein, parce qu'on peut pas élever des bœufs pour créer des dominos. Tu fais des comptes levés, tu fais des dominos, tu fais plein d'affaires. Non, mais c'est ça, tu sais, si tu le manges, les os peuvent servir à autre chose. Ouais. C'est peut-être devenir compliqué. Faut pas le faire, faut pas que la finalité soit le domino, ça. Faut que ce soit un complément, non? Le bœuf utilisé pour toutes ses parties, tu sais. C'est ça. Ça serait pas mal. Donc, maintenant, ils sont en plastique. Et a perdu beaucoup de sa popularité, le domino, de nos jours. On y joue encore beaucoup, évidemment, en Chine. Sinon, c'est beaucoup dans les Caraïbes, où on a les plus grands adeptes, comme à Cuba, Haïti, en Jamaïque, à la Barbade. Et, ironiquement, les champions mondiaux de domino sont les... Les Chinois, c'est tout un Chinois. Ouais, j'aurais peut-être misé là-dessus aussi. Le nom de gens qui ressemblent à Domino, des habitants quelque part dans les République Caraïbes. République Dominicaine. Évidemment, oui. C'est ça. C'est ça. Wow. Donc, République Dominicaine, les Dominicains seraient les champions mondiaux. Ah ouais. Quel drôle d'hasard. Ça fait un beau gag, en tout cas, pour vrai. Quand même, hein. Ben, je sais pas, tu sais, il me semble, c'est un peu cliché. Ouais. Tu vois. Okay. C'est une joke. Mais ici, on dirait qu'il n'y a pas vraiment personne qui connaît les règles, si on veut. Tout le monde les empile puis les font tomber. C'est ça, c'est ça. Hein, nous autres, on a eu bien du plaisir. C'était le jeu préféré de ma grand-mère. Ah, moi aussi, j'ai joué beaucoup avec ma grand-mère. Avec le train plus tard, là, on l'avait pas dans le temps, mais on aimait bien ça. C'était le fun. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'intriguant et d'à la fois dégueulasse. Donc... T'as pu chercher s'il n'y avait pas un D dans le nom. Le Demodex folliculorum. Qu'est-ce que c'est que ça? Demodex Folliculorum. Folliculorum, Démodex. On dirait l'encyclopédie des Pokémon de 2000. Ouais, moi aussi j'ai pensé à ça. Ah oh, ouais. Ouais. Et ben, voyons le Pokédex. Ouais. Je vais vous raconter ça. Voyons. Non. D'ailleurs, ça c'est évident, tout le monde connaît le Pokédex. Tout le monde en a un Pokédex. T'es pas très Pokémon, moi. Mon frère, oui, là, mais moi, un peu moins. Donc, en fait, Démodex Folliculorum, c'est ça a rapport avec notre face. D'où ma question. Est-ce qu'on peut attraper un point noir? J'aurais pu dire, Mathieu. Ah. Ça a rapport avec la... Est-ce qu'on peut attraper un point noir en embrassant quelqu'un? Hein? J'aurais tendance à dire que non. Dis-moi pas oui. Ouais. Vous allez voir. Donc, comme vous le savez, notre peau sécrète du sébum. Quand le sébum se mélange à de la kératine, ça peut s'accumuler dans un follicule pileux, donc à la base d'un poil. Et quand ça s'excède, c'est là que le point noir apparaît. Le point noir est habité par une bactérie du nom de Propionibacterium acnes, qui peut soit créer le point noir, évidemment, ou l'acné. D'où son nom, acnes. Donc, cette bactérie-là dégrade le sébum. Et le point noir est habité par un acarien du nom de Démodex folliculorum, qui mesure 0,4 mm. Alors, lui, il vit sur notre visage. Ouais, hein? Ouais. Il se nourrit de sébum et de cellules mortes. Il s'accouple à l'entrée du point noir, il pond des œufs qui deviennent des larves et des adultes, etc. Alors, quand on embrasse quelqu'un, malheureusement, les acariens se déplacent. Alors, on peut transmettre les acariens, mais pas les points noirs. OK, OK. Mais ça va développer plus tard, un point noir, peut-être. Oui, exactement. Okay. Wow. Donc, whack! Hein? C'est qu'on s'embrasse avec une pellicule plastique entre le visage derrière l'avant. Oui, mais bon, faut que ta peau s'oxyde, la, et tout le kit, okay. Là, pour... Mais on s'échange plutôt des acariens que... De face. Des points noirs. Mm-hmm. Des acariens de face. Des acariens... Il y a qu'à rien à faire avec ça. Il y en a partout, c'est ça, là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais pas partager mon oreiller. Ah, wesh, hein? Mais c'est dégueulasse. Non, quand tu y penses, c'est dégueulasse, là, porter son oreiller. C'est pas écœurant. C'est écœurant, je veux dire. Bon, sur une note plus joyeuse, et peut-être pour faire la paix entre les acariens respectifs qu'on a sur nos faces, parlons donc du Dalaï Lama. Rapport! Oh, on parle de ses acariens à lui, c'est ça? Il y en a des particuliers, c'est quoi? Des acariens. Non. Est-ce que ses acariens se réincarnent en d'autres acariens? Fait que ça se multiplie dans sa face? Ça reste juste sur lui. Ah, le c'est fort. Etc. C'est Zacharia Richard aussi qui aime bien faire les... Donc, le Dalaï Lama, qui est-il? Évidemment, le plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain. Alors, Dalaï signifie « océan » en mongol et Lama signifie « sagesse » en tibétain. Alors, son nom veut dire « océan de sagesse ». La Chine a envahi le Tibet en 1959, alors le Dalaï Lama actuel a été expulsé, hein, comme vous en doutez peut-être. Là, il a été banni du Tibet. Et le Dalaï Lama, c'est le principal dirigeant politique tibétain qui est une manifestation des bodhisattvas. Et un matin, là, le vocabulaire, là, pas évident. Hein? Bodhisattvas de la compassion, donc ce sont des êtres éclairés qui ont retardé leur propre nirvana, là, donc leur bonheur après la mort, et qui ont choisi de renaître pour servir l'humanité. À leur décès, les moines vont chercher la réincarnation du nouveau Dalaï Lama en montrant des objets de l'ancien Dalaï Lama à des nouveaux-nés. Puis ceux qui reconnaissent ces objets-là sont considérés comme la réincarnation du Dalaï Lama. Ça a commencé en 1391. Le premier a vécu de 1391 à 1474. Et le dernier, qui est le 14e, est là depuis 1935. Fait quand même un petit bout, là. Un méchant bout. Un Tibet, comme on dit. Un Tibet. Mais le tout dernier a semé la controverse. Alors, lui qui s'appelle Tenzin Gyatso. Alors, lui, puisqu'il a été poussé à l'exil depuis 1959, il a gagné quand même le prix Nobel de la paix en 1989. Il s'est dit, parce que la Chine, quand elle s'est emparée de ce principe-là, là, de le Dalaï Lama, elle s'est dit, ça va faire là, l'affaire des réincarnations puis tout ça. Là, nous autres, on va choisir c'est qui le prochain Dalaï Lama. Tant qu'à faire n'importe quoi, on va le faire nous-mêmes. Ben oui. Donc là, lui, en place, il dit, hey, wow, ça n'a pas d'allure. Alors lui s'est dit, moi, je vais être le dernier et il n'y aura plus aucune réincarnation après moi pour jeter le discrédit sur le Dalaï Lama qui serait choisi par les Chinois. Il a même dit que ça pourrait être une femme ou quelqu'un choisi en dehors du Tibet ou même un conclave de moines. Alors, pas seulement une personne, mais plusieurs personnes qui pourraient être le Dalaï Lama. Il a quand même l'esprit ouvert. Ouais. Oui. Déjà de dire une femme, il est révolutionnaire. C'est pas partout là, dans le monde là. Le pape chrétien, il aurait pas dit ça, certain. Non, non, il met des mots dans la bouche. Il met des mots dans la bouche. Affaires, dans la bouche. Donc, il est maintenant... Bon, là, il est né en 1935, alors il a 80 ans. En comment, hein? 1935. 1935? Il est à 80, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, lui, il a déclaré lui-même qu'il vivrait jusqu'à 113 ans parce qu'il a fait un rêve selon lequel il vivrait jusqu'à 113 ans. Ses médecins disent que ça va être plus 100. Donc, on verra. Et sur Facebook, il y a 11 millions de j'aime le Dalai Lama. Alors, c'est quand même pas rien. Moi, je pense que c'est moins que Rihanna quand même. Il y a des bonnes chances. Rihanna Lama. Ouais, c'est ça. C'est ouais, clairement religion. La prochaine. Ah, oui. Elle est tellement religieuse. Alors, ça va peut-être être elle. Elle est full spirituelle. Mmh. Oh. Donc, sur ce, petit break musical. Il n'en reste pas beaucoup pour la première partie de la lettre D. On s'en va entendre Del Bell avec un extrait du palmarès anglophone pour aller dans les D. Voici In My Solitude au 89 FM. C'est fou. 89 FM, c'est fou. Pourquoi qu'elle part pas, non? Pourquoi qu'elle part pas? On va la mettre dans l'autre lecteur. C'est pas grave, ça paraît pas du tout, ce genre de choses. Barbie reste au bar grill. Quelle ambiance! Non, c'est quel endroit? Quel festin! Ça commence pas par un D. Barbie's reste au bar grill. Darby's. Darby's! Pour vrai, come on, joue! Ah ouais, ben sinon... Je pense qu'on l'a. Ah ouais, ok, c'est bon, on l'a. Hein? Pas facile le matin? But the very thought of you tames the eyes and soothes a chew. And the birds sing your praises every single morn. Though the whiskey bottle shape shifts, it proudly finds its form. And by the light of the woods, I will sing for the lonely. And all of my hopes I will put in the warbler's rear long before May. Once my eyes begin to weep, your voice is a faded tune, and the fire won't keep no heat. Whiskey bottle fades, bad C'était Delbel et In My Solitude, toujours dans le Véronique Chalas, la lettre D avec Véronique Mire aujourd'hui. Oui, la lettre D. Alors, on vient de parler, entre autres, du Dalai Lama, de l'épée de Damoclès et Domino, les dragées. Et les Demodex folliculorum, petit acariens qui vivent sur notre visage. Et si vous avez marqué ça, ben félicitations, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir manger ce matin. Oui, j'excuse. Puis on laisse tomber. Alors maintenant, je vais vous parler de deux choses qu'on fait. En le disant, je trouve ça drôle. Deux choses qu'on fait avec nos doigts. Sans commentaire. Faut-tu que ça commence par D ou c'est le doigt, c'est non, D? Non, les doigts sont utilisés. Bon. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, toi? Sans commentaire. Ben là, les doigts, là. Prestidigitation. Non, ça commence par un peu. Du doigté. Tu fais des fuck you. Ouais, bon, premier point. Alors, pourquoi fait-on un doigt d'honneur? Doigt d'honneur, c'est bon, ça. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, cool. Eh boy, c'était tout un long, oui, ça! Je vais en faire un autre, moi aussi. Bon, parce que j'aime beaucoup Mathieu. Un doigt d'honneur? Ah, je vais vous donner la réponse, vas-y. OK? Alors, c'est à l'occasion de la guerre de 100 ans qui opposait la France à l'Angleterre. Les Français avaient l'habitude de prendre les archers anglais en otage et de leur couper le majeur. Mmh. Alors, sur le champ de bataille, avant l'affrontement, les Anglais, en signe de, ben, pour défier là, les Français, leur faisaient un doigt d'honneur et la tradition est restée. C'est donc bien cool, t'aimes donc bien ça. Donc, les archers. Oh, oh. Une autre chose qu'on peut faire avec nos doigts. Pointer du doigt. Ouais. Dactylographier. Faire du pouce. Faire du pouce. Se décrotter le nez. Décrotter, c'est bon ça. On espère gros quelque chose. Doigts croisés, doigts croisés. Croiser les doigts. Ah! Ben oui, des guerres de pouces. On peut faire des guerres de pouces. Fais-tu une guerre de pouces? On peut faire des guerres de pouces. J'en avais beaucoup, là, quand même, mais très cher. On a compris le principe. On va chercher tout ça. Donc, pourquoi on croise nos doigts? Alors, c'est une pratique qui nous vient de l'Europe. Au début, on le faisait pour chasser le mauvais sort. Ben oui. Évidemment. Oui. Et à l'origine, tenez-vous bien, il fallait être deux pour croiser les doigts. Alors, une personne faisait un vœu en présentant son index et l'autre plaçait son index avec le sien en forme de croix. Ah. Donc, symbole de l'unité parfaite. C'est comme les pinky swear quand tu croises les petits doigts de nos jours, non? Ça ressemble un petit peu à ça. Ben, il fallait faire une croix avec les deux doigts. Hein? Donc, pour faire ce symbole-là, si on veut. Là. Et on croyait qu'au point d'intersection résidait un bon esprit. Alors, qui pouvait à la fois repousser les forces maléfiques et réaliser notre désir. Aujourd'hui, c'est plus ça pendant tout. Non, ça, quand tu croises les doigts, des fois, ça va faire un entregent féminin, puis je sais pas comment il faut que tu fasses. Hein? Des fois, ça fait une église. T'as pas vu ces croisements de doigts de main-là que les jeunes font, là? Puis ça monte un... Non, j'ai une vie, ça. J'ai une vie. Je fais pas ça. Ben, j'en avais juste deux sur les doigts. Okay. Alors, c'est ceux-là que j'ai trouvé. Mais là, maintenant, je vais vous mettre l'eau à la bouche en vous parlant de Dairy Queen. Ah, wow! Le Dairy Queen. Alors, Dairy Queen a commencé, l'idée, en fait, est germée le 4 août 1938 dans la ville de Kankakee, en Illinois. Et ça, c'est un nom bizarre. Donc, c'est un père et un fils qui ont décidé de vendre à 10 sous un produit glacé, laitier, glacé, mou. Mm-hmm. Alors, ils ont contacté Sherb Noble, un bon ami et client de leur restaurant, qui a décidé justement de faire la vente d'essai à volonté à 10 sous de cette friandise-là. En 2 heures, il en a vendu 1600 portions. Et 6 bols! Alors, ça devait fournir un peu. À l'époque, le franchisage n'existait pas encore. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, il y avait juste 10 restaurants Dairy Queen. Un peu après la guerre, la chaîne a pris son envol. Alors là, ça a été assez rapide. En 1947, il y en avait 100. En 1950, il y en avait 1446. En 1955, 2600. Et aujourd'hui, à votre avis, combien il y en a? 145 000. Ouais. Oh boy. 145 000 et 1. Vraiment moins, là. Vraiment moins. Ça serait idée. Vraiment merveilleux. Il y en a 6 000. OK. Mais quand 6 000, même. Un peu partout dans le monde. Ce qui est surprenant avec Dairy Queen, c'est qu'aux États-Unis, ils se sont mis à vendre des burgers. Oui. C'est bizarre. Il n'y en a pas tout ici. J'ai aucun pas vu Dairy ça. Queen. Ouais. J'ai pas vu ça au Québec, mais. Parce que quand tu vois la pub, là, ça a-tu l'air bon? Ah oui, ça, ça a l'air ça. Bon. Comme un Valentine avec la crème glacée. Là. Ça a l'air cheap comme un fast-food. Ben, je sais pas. Moi, j'aime pas ça, ce Dairy Queen. Ouais, c'est pas. Ah, OK. Moi, j'aime bien ça. Puis là, je me dis, waouh, en plus, un dessert de Dairy Queen, c'est, wow, merveilleux. Il y en a 6 000 dans le monde, mais il n'y en a aucun en Europe encore. Ah. Donc, aucun Dairy Queen en Europe est sur leur site. Finalement, c'est pas dans le monde, c'est en Amérique. Non, non, c'est partout sauf en Europe. Sauf en Europe, donc t'en as en Afrique. Il y en a en Afrique. Oui, il y en a partout ailleurs. Il y en a en Afrique. Oui, oui. Ou en Afrique du Sud, genre. Je sais pas. On va pas en avoir au Mali. Je sais pas, ouais. Alors, c'est on dirait que c'est pas le plus lucide. Non. C'est écrit sur leur site. Bon, quand on va voir pour les langues, là, vous avez tous les continents puis les pays pour l'avoir en différentes langues. Et pour Europe, c'est écrit « À venir bientôt ». Ah oui, hein? Alors, on sait pas. Si je vais essayer de voir, c'est quand le « À venir bientôt ». Des fois, on voit ça quelque part ailleurs, mais c'est pas écrit à nulle part. Le slogan de Dairy Queen en français, c'est « Fan un jour, fan... » toujours. C'est plate. Et en anglais, c'est fan food, not fast food. Ouais, alors, c'est de la nourriture pour les fans et non pas du fast food, genre. Il me semble que c'est mieux en anglais, mais ça se traduit pas. Non, mais c'est un petit quelque rapport, chose. Vraiment. Mmh. Ouais, mais bon, en tout cas. Donc, en 1940, l'ouverture du premier restaurant Dairy Queen à Joliet, en Illinois. En 1949, Dairy Queen lance les laits fouettés. Oui. Alors, c'est en 1949. Okay. 1951, la banane royale. Oh, mien. Oh, mon Dieu. Avez-vous vu le nouveau Blizzard? Non, j'en veux. C'est, et à t'es peu, truffe au caramel salé. Ah ouais, Ça doit être bon. J'ai quasiment le goût. Alors, on s'en va là après, ça. 1953, le premier au Canada. 1958, il lance les produits alimentaires, alors toutes les autres affaires. 1965, il y a une campagne publicitaire radio qui est lancée à l'échelle nationale aux États-Unis qui va être diffusée 169 millions de fois, quand même. 1972, le premier restaurant au Japon. En 1973, si vous dites le mot « Scrumpy Delicious », vous pouvez obtenir un parfait Peanut Buster pour 49 sous. Oh! Hey, mais je regarde ça, là, je suis sur le site Canada français, puis il y a un coupon rabais pour le panier de lanière de poulet. Ça veut dire qu'il y a quelque part au Québec où il y a un Dairy Queen qui fait de la bouffe autre que des desserts. J'aime cette information-là et on va se renseigner s'il y a ce proche. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il y aurait ce coupon-là sur le site Canada français. On cherchera. Mais bon, une bonne piste. Ben ça, c'est écrit disponible seulement dans les DK participants. Trouver un DK. DQ. DQ. Ouais, DQ. Je me suis trompée que PFK, c'était du poulet. Donc, 1979, le premier au Moyen-Orient. En 1985, ils ont vendu 175 millions de blizzards. Et en 2005, le 21 juin, le dessert blizzard le plus gros au monde de 8224 livres a été fait. 22 pieds qui mesuraient. Pour terminer, pourquoi dit-on draconien? Ben, on dirait un personnage dans Harry Potter. Ouais, Draco Malfoy. Draco Malfoy. Ça vient de là. Ben, l'expression draconien. Non, aucune idée. Draco. Drag queen. Ah! Hein? Dracontour. Draconien. Ouais. Dracontour. Alors, encore une fois, c'est les Grecs. Donc, c'est un Grec qui se nommait Dracon, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, l'homme faisait des lois légales pour toutes les classes sociales, alors qu'il était d'origine aristocratique. Alors, c'est les eupatrides qui étaient les chefs puissants et riches qui exerçaient une pression sur les démiurges. Et pour enlever tout ça, là, la pression entre riches et pauvres, lui a décidé d'abolir les vengeances. Son code était d'une extrême rigueur, si bien qu'un vol de légumes était puni par la peine de mort. Alors, son nom est resté dans notre langage pour désigner une règle très dure. Voilà! Eh ben! C'est super, ça, Véronique Mire. La première partie de la lettre D, on se retrouve la semaine prochaine avec une deuxième partie. Dans deux semaines, t'as raison, à chaque fois. Oui, t'as raison. Dans deux semaines, pour la lettre D, deuxième partie. Oui. On se rendra pas jusqu'à A à la fin de la session. Ben non, mais l'été, peut-être. Peut-être l'été, on va se retrouver là-dessus. Merci, Véronique Mire. Ça me fait plaisir, bonne journée. Bonne journée, dans deux semaines, donc à 7h30, les mercredis. J'ai pas le choix, étant donné qu'on a parlé de draps contour pour Dracon. On se quitte avec Pour un tour dans les draps. De Athéna 89 FM. C'est rock pour le matin, mais on aime pas mal. Yeah! pour un tour dans les draps sur l'album Mononucléose. On vient dans quelques instants avec une autre partie d'Assemblage requis et la chronique du Club plein air UQTR. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi matin, 1er avril 2015, et Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plan. Ah, ben en effet. Et on raccueille quelqu'un que, je sais pas, de ces temps-ci, on dirait qu'on est tout le temps en train de recueillir des gens. Que ça, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, mais pourtant. Quand tu dis on le recueille comme dans un recueil de poésie, là. C'est ça, exactement. Il va nous faire un poème sur le plein air. À l'instant. Dans freestyle! Dans le chronique du Club plein air UQTR. Je suis tellement bon en freestyle, en plus, le temps que j'évale ma pente. C'est ça, dévale la pente, je vais y penser. Ode au printemps, je pense. Avez-vous changé votre musique d'intro pour Assemblage requis? La musique d'intro, ben, je sais pas, c'était les sifflements. Non, c'est la tourne comme d'habitude. Non, il me semble que la mélodie était la même, en tout cas. Il me semble que. Donc, on parle de plein air. Oui, plein air ce matin, effectivement. Oui. Encore une fois, plus ça avance et plus Plus ça avance. Et plus le beau temps est là, le printemps s'en vient. Oui. Mais ce matin, en ce 1er avril, j'ai décidé de faire une petite chronique thématique. Okay. Ça va être un mini palmarès des meilleurs mauvais coups à faire en plein air. Des mauvais coups. Ça ramérape dans le trou de. C'est ça, c'est le trou de la Vécosse. Hey, j'ai vu une photo d'une fille qui montrait hier qu'elle préparait son mauvais coup dans la salle de bain, dans le noir, puis elle a pris la rangée du milieu de la boîte d'Oreo. Elle a enlevé le milieu de la crème, puis elle a mis de la pâte à dents à la place. Ah, c'est vraiment dégueulasse. C'est tellement puis bon. Elle a fait aussi, au lieu de mettre la poudre de jus d'orange, elle a fait le jus d'orange avec la poudre de Kraft Dinner. Ça doit être vraiment dégueulasse. Wesh! Aïe, aïe. Ça doit se faire en plein air, ça, d'orange avec de la poudre de Kraft Dinner. Souvent, on n'a pas accès à du saran wrap ou de la poudre de Kraft Dinner. Ce qu'on fait avec ce qu'on trouve autour de nous. Ou ça, il faut planifier un peu qu'est-ce qu'on amène. Mais, c'est ça. J'ai de la misère à faire un peu. Je voulais faire un top 10 au début, puis j'ai pas trouvé de mauvais coups, assez de mauvais coups gentils. Tu sais, dans la vie, là, moi, aussitôt que je vois une liste qui est un top 10 de quelque chose, je me dis automatiquement, il y a eu du remplissage pour se rendre jusqu'à 10. Puis là, tu le lis, puis là, il y en a qui sont comme des redondances de l'autre d'avant. Fait que fais donc un top de ce que t'as envie de faire à la place de tout le temps faire un chiffron. Ouais, ben c'est un top 4, c'est parfait, ça. Puis on va expliquer un peu plus au pire ce qui va se passer. Okay. Fait que le numéro 4 d'un mauvais coup que tu peux faire avec quelqu'un en plein air, c'est lui acheter une cloche à ours comme cloche cadeau. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais dans tous les magasins de plein air, de chasse et pêche et autres, on vend la fameuse Bear Bell. C'est comme un gros grelot de Noël. C'est une grosse bébelle. Mais vraiment, là, ça fait gueuling. C'est un gros grelot avec un velcro, une couleur. Là, c'est couleur assortie. Tu peux choisir ta couleur pour qu'elle marche avec ton sac à dos. Puis le principe derrière ça, c'est de mettre ça sur ton sac. Puis comme à chaque fois que tu fais un pas, ça fait gueling. Ouais. Puis comme ça fait du bruit, il essaie de te vendre ça en disant « Ça va éloigner les ours. Ils vont aller loin de toi. » C'est quoi? Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai, sauf quand tu le testes. OK. Là, tu réalises que c'est pas vrai pantoute. Que ça les attire? Ben, ils doivent être curieux. Oui, c'est ça. C'est pas un son qui est naturel. Ouais. Moi, pour avoir travaillé comme technicien forestier pendant quelques temps, on en avait des cloches à eau. Ça faisait partie de l'équipement. Tout le monde trouvait ça vraiment drôle. plus parce que c'était une joke plus qu'autre chose. Puis moi, quand j'ai croisé un ours avec ça pour la première fois, j'ai shaké ma cloche à ours, puis l'ours, il m'a juste regardé. Salut. C'est pas un son qui est naturel, ça pique leur curiosité. Le running gag, c'est tout ce que ça fait, ça annonce à l'ours que son snack s'en vient. Ça sert vraiment à rien. C'est comme si la voiture de Chinois klaxonnait tout le long en s'en venant chez vous. C'est exactement ça. Tu le regardes, hey, je pense que je l'entends. C'est supposé faire peur. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment drôle que tous les petits gosses à 5$ que tu peux trouver dans des magasins comme ça qui essaient de te vendre pour remplir par un chef. Puis le vendeur de magasin te le vend quand même. Oui. Tu te diras pas, genre, achète-le pas, c'est un attrape. Puis le pire, c'est que c'est rendu tellement comme ancré dans la culture des magasins de chasse et pêche et de plein air que ça se vend tout seul. Wow. On en reçoit à chaque année. Mais pourquoi ne pas en mettre? Si les gens pensent que ça aide, pourquoi ne pas en mettre? Puis ils se disent, c'est comme, bah, tant qu'à faire, moi, lâcher, ça coûte rien sûrement. Ça n'a pas coûté grand chose. C'est 5$, absolument. C'est pas cher. Mais c'est pas cher. Moi, je pense qu'il y a deux mauvais côtés à ça. Ouais. Ben, en fait, trois. De un, ça dépeint l'ours comme étant hyper dangereux, puis ça alimente la culture de la peur de l'ours. Qu'au contraire, je pense qu'en connaissant mieux l'animal, on réalise qu'il y a plus peur de nous que nous, on a peur de lui. De deux, c'est vraiment, vraiment fatigant pour les autres randonneurs sur un sentier quand on croise, parce que c'est guiling, guiling, guiling, guiling, guiling, puis la majorité des randonneurs doivent en avoir sur eux. Mais ben, une majorité des randonneurs, je pense que des centres très fréquentés, ça se pourrait, oui. Il y a comme une espèce de ratio fréquentation du site, puis tout le chaos se rencontrer. Agressant. Puis troisièmement, c'est un petit peu malhonnête de la part de vendeurs de prendre ça en disant que ça fonctionne quand un, ils l'ont sûrement jamais testé. Puis deux, ça marche pas. Faut aller voir Charles-Antoine Rioux. Bon, trouvez-le. Trouvez-moi. Le numéro 4 d'un prank qu'on peut faire à quelqu'un, c'est quand une personne. En plein air, des fois, on va faire ce qu'on appelle du trad ou du traditionnel, ou plus, c'est ce qui est plus rustique. Sans les cuillères, c'est les cuisses. C'est ça. Ouais. On fait ça, mais pour être au confortable, pour pouvoir faire de la cuillère, il faut d'abord que tu passes ton abri. Okay. Puis des fois, on va essayer de se pousser un peu pousser nos limites, ou peut-être revenir au mode d'antan, puis revenir avec des choses moins technologiques. On traîne moins de matériel, puis on fait plus avec ce qu'on trouve sur le terrain. Okay. Puis le classique, c'est la tente prospecteur, qui est en fait une grosse tente en toile. C'est du gros coton ou lin qui est ciré comme toile imperméable. Il faut faire un cadre en bois. Faut vraiment avoir de la corde de brêlage, trouver des bouts de bois, puis brêler un cadre en V pour pouvoir mettre la toile par-dessus. C'est vraiment, les coureurs des bois, c'était vers la fin, c'est quelque chose qu'ils utilisaient beaucoup, mais les bûcherons et les draveurs, c'était vraiment leur abri de prédilection. Puis eux autres, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de matelas de sol ou rien, fait qu'ils mettaient du sapinage. Ça, c'est le fun, du sapinage. Ça fait une grosse couche isolante, ça sent super bon dans la tente. Mais pour mettre du sapinage, il faut savoir identifier un sapin des autres conifères. Fait que le meilleur mauvais coup que tu peux faire à quelqu'un qui cherche du sapinage mais qui sait pas comment les identifier, c'est donner de l'épinette à la place. Je m'explique pourquoi. Le sapin. Ouais, faut que tu sois au courant, là. C'est ça, faut le savoir. Le sapin, ses épines, sur la branche, sont toujours réparties de façon plate. Une branche de sapin, c'est plat. Il n'y a pas les épines tout le tour, juste de deux côtés. C'est vraiment flat. Puis les épines de sapin sont plus molles et sont plates. Donc, si tu prends une épine dans tes doigts, l'épine de sapin ne roulera pas. L'épinette, c'est le contraire. Il y a des épines tout le tour de la branche, sont très, très pointues, très, très piquantes, puis ça roule dans les mains. Fait que la personne va mettre ça par terre en disant « Ah, je vais avoir un beau matelas pour me coucher ce soir, c'est donc bien beau, ça sent bon. » Va se coucher et ne dormira pas de la nuit parce que ça va y piquer partout de ses affaires. Ça passe ça à travers le sac de couchage? Ça dépend de l'épaisseur, mais oui, ça peut, effectivement. C'est assez raide. Peut-être que tu gâches son sac de couchage à plusieurs centaines de dollars. S'il cause des douleurs partout, il va avoir sûrement des plaies pour le reste de sa vie. Drôle de blague. Quand je dis que j'ai de la misère à en trouver des gentils, c'est vraiment d'aller moins pire. Mais c'est surtout pour apprendre aux gens qu'il y a vraiment une différence entre un sapin et une épinette. C'est bon de savoir pour beaucoup d'autres choses que juste du plein air. Par exemple, si on vous vend un sapin de Noël qui n'est pas un sapin mais qui est une épinette, elle va perdre ses épines dans les deux jours après que tu l'as installé. Ouais, ça, c'est pas agréable dans ton salon. Effectivement, de un, souvent le monde monte leur sapin vers le 15 un peu avant pour avoir l'ambiance de Noël, fait que là rendu le 17 t'as plus d'épines dans ton sapin, t'as la fond c'est malaisant. Pas d'épines dans mon sapin, pas de cachot dans mon salon, comme ouais, ben oui, comme dit le vieux dicton. Tandis que le sapin il te vaut plus longtemps, fait que juste savoir que si on prend une épine dans nos doigts, l'épinette est carrée, fait qu'elle va rouler. L'épine de sapin est plate, elle devrait pas rouler, c'est assez facile pour contrairement à la bière d'épinette qui roule en général d'habitude parce que c'est dans un 2 litres puis ça roule, puis c'est rond. Ouais, exactement, sans plein ça. Donc, des informations pertinentes. Oui, c'est super pertinent. En fait, faut faire du bien. Le numéro 2 d'un mauvais coup qu'on peut faire à quelqu'un qui est en plein air, c'est cacher des aliments naturelle qu'on trouve dans le bois dans sa nourriture. Okay. En fait, il y a plein de choses de bonnes qu'on peut trouver dans le bois, comme des bleuets, on trouve des framboises, on trouve plein de très très bonnes choses. Mais tu peux aussi tuer quelqu'un avec ça. Ben oui, là, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des plantes mortelles. Mais il y a d'autres choses. Il y a un entre-deux aussi entre la plante mortelle et la plante très très comestible. Qui va juste le rendre vraiment malade. Même ça, tu pas. Non, qui va juste. Qui va juste ben, oui. Mais encore, moi, ça, je rentre ça dans la catégorie pas cool. Ah, okay. Dans la catégorie correcte, il y a celles qui sont bonnes pour la santé, mais qui goûtent vraiment mauvais. Parce que sinon, dans les laxatifs, tu peux aussi, proche du spa, tu peux mettre des plantes comme du sumac vénéneux. Oui, c'est ça, un petit peu d'herbacus. Moi, c'est que... pour suivre un peu le gag au-delà. Hey, on va faire une parenthèse. L'herbacus, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment irritant. Puis c'est pas juste chirurgique, c'est très physique aussi. Quand on en pogne, ça pique, c'est vraiment incroyable. Ça dure pour des heures et des heures et heures. Et j'ai déjà un ami qui savait pas différencier la puce, qui est allé à la salle, salle de bain, il était à la Écosse, dans de pleine nuit, il trouvait pas le papier cul, donc il a dit je vais cueillir des feuilles, et il a cueilli ça. Mais l'affaire avec la puce, c'est que ça prend 8 heures à peu près avant que les symptômes se développent. Fait que tu vas te frotter avec, tu sauras pas si c'était ça avant 6 à 8 heures. Tu vas continuer. Fait que lui, il revient se coucher, il se lève le matin, il dit les gars, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais ça me pique. Et là, je suis avec des amis. Ça te pique où? Ça te pique où, c'est ça. Puis là, ben, il faut que tu vérifies parce que quand on a un contact de plantes qui sont allergènes comme ça avec des muqueuses, donc le contour des yeux, l'intérieur de la bouche, tout autre orifice. Les péteux. C'est ça, le péteux. Ben, c'est un cas d'évacuation. Faut faire attention parce que tu peux pas. Sur la peau, en fait, on peut mettre de la calamine, on peut mettre des choses qui vont adoucir, apaiser l'irritation, mais je peux pas mettre ça dans. Dans tes yeux. Ou d'ailleurs, dans d'autres orifices à personne. Donc, je suis comme, ben, mon vieux. Faut que tu te penches, faut que tu les écartes, il faut que je jette un coup d'œil. Effectivement, pauvre gars, ça a pas dû être facile ces 8 heures suivantes là. C'est le même effet que ça me fait quand je regarde Musique Puce. Pareil, ça prend 8 heures avant que tu t'en rendes compte environ. Que camp, là, ça... qu'est-ce que j'ai fait à gaspiller ma vie? Mais enfin. Mais ça rentre dans catégorie vraiment pas gentil. Donc, c'est lui-même qui s'est infligé ça. Il s'est auto-poinqué, ça. Là. Mais il y a beaucoup de choses. Puis il y a un arbre en particulier qui s'appelle le peuplier baumier. On voit souvent des peupliers, c'est des trembles aussi. En fait, c'est une sorte d'arbre où les feuilles, souvent l'écorce ressemble au bouleau, mais assez filoche pas, est assez pâle. Puis on l'appelle le tremble parce que la petite tige qui retient la feuille est plate et pas ronde. Fait que dès qu'il y a un coup de vent, les feuilles vont trembler super facilement. Ben, une des variétés de tremble, c'est le peuplier baumier. Puis lui, son nom baumier vient vraiment de ces gros bourgeons qui sont pleins de baumes, sont très très odorants. En fait, souvent vous en rendez pas compte, mais au printemps on passe à côté d'eux, puis ils vont vraiment sentir la résine. Mais ces bourgeons-là, ils ont deux propriétés. D'un, ils goûtent vraiment vraiment vraiment pas bon. En fait, ils ont trois propriétés. La deuxième, c'est que ça colle sur les dents puis ça t'offre pendant une heure dans ta bouche. Et la troisième, c'est que c'est des très très bons casse-grippe. Oui, comme étude naturelle. Donc c'est très bon pour la santé. En fait, on veut aider les gens en faisant ça. Ça, c'est ton bien que tu dis. Mais quand tu caches ça maintenant dans une crêpe ou dans une salade à quelqu'un, tu le dis pas. La première bouchée est comme « Oh, c'est intéressant! » Et là, la résine se colle aux dents. Et là, ça l'amplifie. Puis elle reste vraiment collée, là, facile une demi-heure, là, avant que ça se dissout. C'est un peu comme quand tu donnes du beurre d'arachide à un chien. C'est ça, il va gosser. Un cheval. C'est ça, c'est comme ça qu'ils font parler les chevaux à tes oui, c'est vrai. Pour avoir la motion de la mâchoire qui bouge. Ouais. Mais peuplier baumier, là, ça serait un excellent groupe pour être en première partie de Horloge Simard au Zénob qu'on présente sur nos ondes comme spectacle. Je trouve ça fitrait ensemble. Peuplier baumier et Horloge Simard en duo. C'est cool. C'est quand même pas pire. Ouais. Il y a beaucoup d'autres petites plantes aussi comme ça qui sont assez intéressantes, qui sont pas dangereuses pour la santé, il n'y a pas de risque mortel ou de réaction allergique, mais qui font des drôles d'effets. Comme le petit prêcheur, en fait, qui a un fruit qui va te paralyser la bouche pendant peut-être 30 minutes. Là, tu baves, t'as de la misère à articuler. C'est pas dangereux, ça? Non. C'est juste drôle. C'est juste drôle. C'est vraiment juste drôle. Fait que c'est. Mais évidemment, il faut s'y connaître. Ouais. Parce que... Mais ouais, mais ça doit être paniquant, là. Tu sais pas ce qui t'arrive, là. T'as l'impression de sortir de chez le dentiste, là. La plupart du temps, c'est que tu vois la personne qui rit autour de toi, puis là, tu viens de comprendre que c'est fait à moi. Mais non, c'est sûr. Mais faut faire attention parce qu'il y a effectivement des plantes mortelles au Québec. Il faut pas. Faut faire attention aussi, on fait aucun plein air le 1er avril avec toi. Oui. Ça, c'est clair, là. Le poisson d'avril, c'est le April's Fools avec Ryu, April's Fools. C'est un jeu de mots avec poisson d'avril. Elle est bonne. Merci. T'en as-tu des bains ben méchantes? Oui, pour moi maintenant. On veut le savoir, là, tu nous as titillé. C'est ça, mais la dernière est quand même assez méchante, puis le plus, c'est qu'elle est bénéfique pour la personne qui fait le prank. Fait que là, elle vaut la peine. Moi, c'est une de mes préférées, en fait. J'aime faire aux personnes. Il y a personne qui aime ça, des moustiques puis des mouches noires. Je pense foncièrement que le problème avec les insectes piqueurs, c'est pas le fait qu'il y en a, c'est le fait qu'ils nous dérangent. Mmh. Puis si c'est un gros travail psychologique de les accepter, puis de comprendre qu'ils font part de la chose. Puis s'ils te dérangent pas, ça vient déjà ajouter à ton expérience, t'as beaucoup de plaisir. Ceci étant dit, il y a personne qui aime ça, malgré tout. Et il y a certains aliments que quand on mange, on va digérer, puis il y a certaines enzymes ou autres qui sortent par la peau, puis qui font que les moustiques sont plus intéressés par les personnes qui ont mangé ces choses-là. Mmh. Et l'aliment par excellence, c'est la banane. Ah, c'est pour ça que j'ai tout le temps plein de mouches après moi, des moustiques. Ça peut être pour plein d'autres raisons. Ne serait-ce que ton shampoing, par exemple, ou le savon que tu utilises, ou ton désodorisant, ça peut être plein de choses tout, par rapport aux odeurs, par rapport à ton groupe sanguin. Il y a du monde qui en tire plus que d'autres. Mais oui, aussi, le plus classique, c'est que tout le monde se fait piquer au thym, mais il y a du monde qui le sent, qui réagit plus que d'autres. Oui. Mais les bananes ont un effet particulièrement intéressant. Donc, donnez des bananes à une personne que vous appréciez moins, ou une personne qui ne sait pas, ouais. Effectivement. Ou que vous voulez juste jouer un petit mauvais coup juste avant d'aller en plein air, mais ça va faire que ce soir-là, ensemble, tout le monde va avoir la paix, sauf lui. Ben ça va être bon pour les autres. Et si quelqu'un pouvait se sacrifier, quelqu'un qui est moins sensible aux piqûres pourrait sacrifier. Oui, toutes les insectes, effectivement. Aussi, ça peut être c'est bon. Ou tu dis celui-là est tout le temps sous, il va moins s'en rendre ça compte si les moustiques. Ça nous prend un martyr. C'est ça le truc. Voilà, c'est comme le conducteur désigné, ouais. Mais pour les moustiques. T'as même ton enfant qui a eu un problème et qui a rendu ses médications de sirop de banane. Oui, c'est ça qu'on t'appelle ça, le petit sirop dégueulasse que j'avais quand j'étais jeune. Oh, c'est un peu chien là, pour les enfants. C'est un peu chien, ouais. Mais c'est un enfant, faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. On pourrait aussi se relayer, chaque personne, chacun son tour, manger des bananes pour déjeuner, oui. sur 4 jours de plein air. Puis là, c'est chacun son tour de prendre sa part de moustiques. Je fais semblant de la manger, clairement. Oui, c'est ça. Juste, t'as la manche de côté pour qu'on voit juste la banane entrer dans la bouche. Exactement. La langue de caméra, parfait. C'est ça. Ouais. Il y a plein d'autres choses aussi qui font qu'on attire plus les moustiques, ne serait-ce que de ne pas dire à la personne de ne pas mettre son désodorisant, ça aide beaucoup aussi. En fait, ils vont plus se risquer. Ça, c'est une chose qui est drôle. Les gens pensent que plus tu sens bon, moins tu attires les insectes, mais c'est vraiment l'inverse. Plus tu sens naturel, moins tu attires les insectes. Plus tu passes inaperçu. C'est ça, effectivement. C'est une odeur qui est quand même... qui est physique et pas artificielle, mm-hmm. Ça joue pour beaucoup. Remplacer l'huile à moustique à une personne par de l'eau sucrée, ça marche très bien aussi. C'est un peu la même affaire. C'est sans qu'elle s'en rende compte, soit chez la bouteille ou la vienne, tu remplis quelque chose. C'est clair qu'ils vont tous y aller dessus. C'est du sucre. C'est là. T'es pas une très bonne personne, toi. Hein? Je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment les quatre plus gentils auxquels j'ai réussi à réfléchir. Ça dépend, tu sais, quand c'est pas toi la personne qui subit le tour. C'est très drôle. C'est ça, c'est très drôle. Mais c'est des mauvais coups, puis je pense qu'il faut y aller avec modération, parce que quand on en fait trop, ça perd de son charme ou son plaisir ou la beauté de la chose. Est-ce que vous initiez les nouveaux qui vont faire... c'est du plein air, là. On va leur dire comment s'inscrire après. C'est ça, comment venir. Non, pas dans le club de plein air. On essaie de vraiment rendre ça accessible puis favoriser la découverte. Fait que je me dis que c'est pas l'expérience la plus optimale. Tu me dis, je vais aller marcher en forêt la première fois, puis le guide, il te fait un mauvais coup, puis c'est vraiment, vraiment plate. T'sais. Ça goûte un peu plus baumier pendant comme la demi-heure de la randonnée. Là. C'est moins le fun, un petit peu. Mais c'est souvent entre amis, c'est souvent de personnes qu'on sait que ça dérange pas trop. En tout cas, c'est clair, il y a personne qui prenne de banane. Fait que là, celui-là, il marche pas avec des gens qui s'écartent pas un peu plus. Mais entre amis, des fois, on peut se faire des petits mauvais coups. Ça, c'est facile d'initier quelqu'un là, entre amis. Là. T'sais, si c'est la première fois qu'il fait ça, un sapin et pas une épinette. Là. Ouais, oui, ça c'est certain. Mais en même temps, la personne, ça va y arriver qu'une fois. Puis elle va le savoir. Ouais. Comment elle va le savoir. Tu dois avoir une fois. À moins d'être bien naïf. Là. Ah. Ouais. Faut pas me sous-estimer. Justement, tiens, pour ceux qui veulent aller s'inscrire au club plein air et ne pas être initiés, absolument. Comment est-ce qu'on procède? Qu'est-ce qui se passe avec le club plein air, etc., etc., les informations? D'abord, il ne faut pas avoir peur parce que vraiment, on n'initiera personne de cette façon-là dans le club de plein air. Comment procéder? C'est assez facile. Notre page Facebook, c'est toujours la meilleure plateforme pour voir les activités qui s'en viennent et qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est UQTAIR sur Facebook. Trouvez-nous tous. Toutes les activités qu'on va faire vont être diffusées justement en tant qu'événement sur la page. Vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de coût d'inscription, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des coûts avec les activités, mais c'est juste tout le monde débourse un peu sa part de l'activité. Mm-hmm. On a un local aussi, si je ne me trompe pas, c'est le 20-12 ou le 22, c'est juste à côté de la bibliothèque sur Albert-Tessier. Il y a une grosse télévision où on diffuse nos photos des dernières activités. On est là les lundis, mardis et mercredis de 11h à 1h. Donc, venez nous voir pour vous inscrire aussi. Prochainement, c'est sûr que là, la fin de session arrive, ça, on essaie de pas faire trop d'activité parce que les gens veulent préfèrent se concentrer. Puis nous aussi, on va nous concentrer sur la fin de session. Mais le classique de fin de session, notamment début avril, on fait une dernière sortie escalade intérieure. Donc ça va être à voir. Suivez la page Facebook, ça va être diffusé là. C'est pas très cher. On offre aussi les cours d'initiation si jamais il y a du monde qui n'en ont jamais fait mais qui va venir essayer. C'est chez Maïk et Aventure. C'est toujours super agréable. Et ça va être tout pour la session. Le club reprend en activité en septembre quand même. On a des très bonnes recrues qui vont prendre le flambeau parce que beaucoup d'entre nous quittent ce printemps. Mais c'est signé, là, ça va c'est continuer. C'est signé. Good. Ça va continuer, on a quand même du bon monde. Puis, il y aurait une possibilité que la prochaine chronique, je ne sois pas seul, qu'on initie une nouvelle personne qui va peut-être prendre le relais pour les chroniques. Tu vas essayer de faire manger des bananes avant? Ah! Il n'y a pas de moustique dans votre studio. Ben, l'été... On peut s'arranger! Ah ouais? Ça arrive des fois. Ben, offrez des bananes aux chroniqueurs qui viennent à chaque matin. S'il y a un petit creux ou dis-le, on fait le déjeuner, puis là, il y a un café banane, puis vous aurez la peine. Chaque personne qui va rentrer va en manger. Voilà. C'est magnifique. Jean-Antoine Rioux, donc on te retrouve dans deux semaines pour une dernière chronique de la session potentiellement. Oui. Donc, ce sera dans deux semaines, les mercredis à 8h10 environ. 8h15. Oui, dans ces eaux-là. Dans ces coins. Merci beaucoup, Jean-Antoine. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Hey, Colin, j'ai oublié de l'anecdote que tantôt, on disait qu'il avait fabriqué ses propres lunettes, oui. Avec des branches dans le bois. Ah, faudrait qu'on en parle avant. On te dit bye, désolé d'avoir déjà dit bye. Je suis encore là. Donc, les lunettes que tu portais il y a quelques mois à l'émission, on avait passé le commentaire, on avait dit que tu avais des broches de bois sur tes lunettes. Oui. Tu les as créées toi-même. Oui, effectivement. Je les ai cassées et j'ai sculpté des branches pour les recoller avec du Mighty Potty. Oui. Tu les as gardées combien de temps? Deux ans. Et tu disais que ça avait l'air de quoi? Un petit peu rustique? C'est très, très rustique, en fait. C'est vraiment. On voyait très bien que c'était fait au canif sur le bord d'un feu. Sans les lunettes de la personne qui sculptait. Il restait encore un petit peu de guimauve brûlée sur le coup. Non, le saucisse de bord. Je les ai gardés encore. Il manque une vitre. C'est pour ça que j'ai dû changer parce que j'ai fini par perdre une. C'est ça, il fonctionnait. C'est juste que j'ai perdu une vitre. Donc ouais, puis là, t'en gossé une dans le bois. C'est ben, plus compliqué. Évident, là. C'est ça. Mais je les ai encore, effectivement. Et oui, c'est ça. C'était très, très rustique. Et Steph t'a dit que tu devrais te partir une compagnie. Oui. Mais oui, clairement. C'est clair que les gens vont payer pour ça. Ah là. Oui, apporte-moi vos lunettes. Je vais les briser. Je vais les réparer. Et la compagnie s'appellera Rioustique. Et je trouve ça génial parce que ça fait comme rustique, oui. Mais aussi Rioustique. C'est ça. C'est des bâtons. De effectivement. C'est donc, parfait. Si jamais vous voyez ça passer, je vais pimper vos lunettes. Mais c'est vraiment parfait. Là. C'est génial. Merci, Chantal. Merci à vous. Donc, on est rendu à la prochaine partie d'émission. Dans quelques instants, ça va être Crackpot TV avec Frédéric Bernard de ta assemblage requis jusqu'à 9h30. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Assemblage requis, ce mercredi 1er avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, c'est Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Mmh. Yeah! Mais avant ça, on va entendre un nouvel extrait de nos amis de chez Galaxy. Oh! Leur nouvel album s'appelle Zulu. On a un deuxième extrait. Voici Dragon. Sur C'est fou! Dans vos oreilles! C'était Galaxy et Dragon, nouvel extrait de l'album Zulu à Assemblage Requis. Maintenant, chaque semaine, les mercredis, à 8h30, on parle de télévision. Fait qu'on allume le poste de TV. Voici Crackpot TV. Salut Frédéric Bernard! Bonjour Mathieu Plante. Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Joyeux poisson d'avril à vous deux. J'ai, excuse-moi, la journée des fish and chips, je pense qu'il veut dire. Ah oui, on va au Ikea. C'est ça. Ils sont super bons là-bas. C'est vraiment bon. J'ai acheté à l'épicerie, on va faire des fish and chips, c'est carré. Bref, on parle d'une série télé aujourd'hui, Frédéric, et comme toujours. La semaine passée, il y a deux semaines, on a parlé de web-série. Oui, plus de séries sur YouTube là, qui sont maintenant sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ah, j'allais alors, te demander. Pour les gens là, qui veulent les retrouver, je les ai toutes mis là. Parce que pour vrai, on a reçu des commentaires par courriel de gens qui voulaient les web-séries. Non, mais pour vrai, c'est même pas des blagues. Ben, c'est le fun. On sait maintenant qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont gênés de nous écrire, mais ils nous écoutent quand même. Ils peuvent nous rejoindre via assemblagerequis.com. Oui. Et sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ça se peut que ce soit long avant qu'on réponde, qu'on n'est pas habitué que les gens prennent le temps de le faire. Ils sont juste gênés, c'est des petits requins gênés. Donc, soyez pas déçus si ça prend du temps. On vous aime beaucoup fort. Donc, on revient à nos habitudes de prendre des séries télé. Est-ce qu'on, dans quel style est-ce qu'on nage cette fois-ci? Ben, comme d'habitude, depuis quelques épisodes de chroniques, mettons. Ouais, depuis quelques chroniques, on va rester avec nos chroniques. Ouais. Depuis quelques chroniques, on fait des dérapages, on change un peu. Alors, au lieu de s'en aller dans quelque chose de plus traditionnel qui a été annoncé, on reste dans une émission. C'est une émission québécoise. OK. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. T'en as eu une à date. Ouais, c'est ça. C'était celle... Selon Steph, c'était pas ma plus fameuse. Non, c'est ça. Mm-hmm. C'est quoi le nom déjà? La théorie du chaos. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est une de celles que j'ai présentées. Mais là, vraiment, on déraille un peu. Et c'est vraiment, je vous le dis d'avance, je l'ai jamais fait à date. Mais c'est une émission que je porte beaucoup dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Alors, c'est une émission pour laquelle, je vous le dis tout de suite, je l'aime vraiment énormément. C'est peut-être les zigotos, Steph. C'est peut-être les zigotos, attention. Je vous en dirai pas de choses négatives, de commentaires négatifs. Aucun commentaire négatif. T'as pas réussi à en trouver un seul. C'est pas assez long. Pas chercher. Peut-être que vous allez... Mais vous allez comprendre quand je vais vous dire c'est quoi le concept. Vous allez comprendre vous aussi, là. C'est dur de vouloir bâcher une émission de ce genre-là. Ce genre non. Découverte ou le téléjournal. Alors, je vais vous parler du téléjournal. Non. Ça aurait été très drôle comme blague de Fish and Chip. Ça aurait été drôle, hein? Ça, pour le 1er avril. Mais oui. Je peux-tu le recommencer? OK. Non. Bon, ben je pars. Ça me prend à peu près 2 heures à écrire ça. Fait que... Donc, je vais vous parler des vacances de Monsieur Bruno. Oh, avec Bruno Blanchet! Avec Bruno Blanchet. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur le canal Évasion. Non! Ben, j'ai vu la pub, mais j'ai pas écouté l'émission. J'ai vu ça... Je sais pas pourquoi le canal Évasion et ces émissions-là, je sais pas si je suis tout seul dans cette situation-là, mais je vois des émissions qui passent, qui ont de l'air très intéressantes, mais je les écoute pas, je prends pas le temps de les découvrir. Ils sont des cases d'horaire spécifiques. Non, j'écoute beaucoup de choses à Canal Évasion. Ouais. Ben oui. Ça a l'air d'être comme un mélange de plein d'émissions achetées de partout. Fait que les émissions que tu cherches, mettons, dans une case d'horaire, c'est comme difficile à trouver peut-être par moment. Fait que tu fais juste regarder la chaîne, puis ça roule en arrière de toi. Ben non, il y a des émissions que je suis, moi, à Canal Évasion. Oh, oui. Souvent, moi, c'est parce que je suis dans la situation où Canal Évasion, on va surtout. C'est encore un canal qu'on va écouter beaucoup à la télé directement sur leur site internet. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour ce que j'ai cherché. Mais ils veulent que tu t'abonnes pour de l'argent cash money. Ouais, exactement. Donc, c'est surtout pour ça. On a de moins en moins le temps de se retrouver devant la télé. Donc, on les voit passer soit sur le net, soit sur YouTube. Des fois qu'on voit des annonces passer, on prend pas le temps justement d'aller sur cette case horaire-là. Mais Bruno lui-même passe des. Oui. Et pourtant, il y a beaucoup d'émissions québécoises au Canal Évasion. Énormément. Mais oui. Puis vous connaissez sûrement là, la fille de Trois-Rivières qui fait le tour du monde, là. Ouais, c'est quelque chose. Lydiane au tour du monde. Elle va avoir son émission à l'automne aussi. Pour la suivre dans ses voyages. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant là, qu'on voit quand même plein de monde d'ici. Mais oui, c'est ça. Puis surtout, Canal Évasion, c'est bien que tu parles de cette série-là parce qu'on en a beaucoup justement sur le Canal Évasion, des gens qui vont voyager. C'est le but de ce canal-là. Comment ça? Qui vont, des Québécois qui vont un peu découvrir un peu partout de façon assez originale. Même Bruno Blanchet, je pense que c'est lui qui a un peu parti le bal, si on veut. Alors, c'est un des premiers globetrotteurs au Québec qui a commencé à diffuser ses expéditions et de pas en faire nécessairement documentaire, si on veut, mais vraiment de rajouter de l'humour là-dedans, ouais, de rajouter sa couleur, de faire quelque chose qui est plus original finalement que ce qu'on retrouve à la chaîne d'habitude. C'est ça. Il prend de la drogue avec le monde dans toutes les régions. Exactement. Parce que je suis fan de Bruno, la personne sur Facebook. Oui. Il poste des capsules, des extraits de l'émission, puis on le voit. Il s'en tient pas, mettons, des fois. C'est beaucoup. Ils ont fait beaucoup de promotions sur cette émission-là. Mmh. En plus, les vacances de M. Bruno. Pourtant, j'en ai parlé beaucoup autour de moi. Peu de gens. Ben, moi, de mon côté, dans mon cercle d'amis, peu de gens savaient c'était quoi. Ouais. Mais ça reste que, quand même, sur une chaîne spécialisée, c'est un public plus restreint que les grands réseaux. C'est normal qu'il y ait moins de gens qui connaissent ça un peu. Et oui, c'est mon but aussi de vous faire découvrir des choses. Voilà, c'est pour ça qu'on t'apprécie comme ça. Donc, les vacances de M. Bruno, alors ça a été produit en 2014, en septembre dernier. Alors, c'est vraiment tout récent. Bon, l'acteur vedette, Bruno Blanchet, idée originale, Bruno Blanchet. Producteur, Bruno Blanchet. Oui, c'est ça. Maquilleur, Bruno Blanchet. Le résumé, alors je vous fais le résumé tout de suite. Quand même un bon résumé. Un bon résumé, tu nous as écrit là, tu l'as donné, comme toujours, oui. Comme Bruno se donne. Oui, exactement. Aussi, ben oui. Fait que j'ai essayé de faire un résumé vraiment un peu, pas à l'image de l'émission, mais bref, je fais le résumé, on s'en reparle ensuite. Oui, qui ne connaît pas Bruno Blanchet? Cet acteur, humoriste, scripteur, réalisateur, ce globe-trotteur télévisuel nous fait encore et toujours rêver. Multipliant les émissions autour du monde, cette fois-ci, la vedette de La fin du monde est à 7h nous transporte au Vietnam, Cambodge et en Thaïlande dans des aventures plus folles et improbables que les autres. L'acteur nous invite à découvrir en même temps que lui des us et coutumes qui peuvent nous paraître étranges. Tout ça peut vous paraître banal, mais Bruno Blanchet ne fait rien comme les autres. Utilisant ses talents de narrateur pour nous conter une histoire digne des contes de fées, ce voyageur invite les habitants des communautés à participer à la narration de son émission. Bruno Blanchet nous fait alors explorer l'imaginaire et le temps. Ces lieux qui peuvent nous être présentés sur une belle photo ou une belle carte postale deviennent alors des lieux magiques, remplis de secrets qui nous font frémir d'envie d'en découvrir plus. Les voyages de Monsieur Bruno est une invitation féerique à se faire raconter une histoire qui pourrait nous aider à dormir le soir. Cette émission berce nos pensées jusqu'à nous faire rire, à nous questionner, à nous émouvoir. Bruno Blanchet est le conteur d'histoires autour du feu, le grand-père le soir autour d'une chandelle en famille, le bon chum qui a toujours une histoire drôle. Comme un ami, nous l'accompagnons alors dans ses périples, ses surprises et ses fantasmes. Quoi dire de plus que de reconnaître le travail de cet acteur qui sait comment partager un plaisir qui devient contagieux. J'espère aujourd'hui qu'il causerait une épidémie. Merci, Monsieur Bruno. C'est super. Alors, c'était vraiment, comme je vous ai dit, je me dévoile. C'est une émission que j'ai beaucoup aimée. Et Bruno Blanchet, on en découvre toujours une partie un peu à des émissions comme Les Enfants de la télé, Tout le monde en parle. Des émissions comme ça où on découvre un peu une partie de lui, de ses voyages. Pour être très honnête, j'avais jamais vraiment pris le temps de regarder une émission complète de ses anciennes émissions de voyage. Il écrit beaucoup aussi. Il a écrit dans la presse sur c'est toujours en lien avec ses voyages. Et j'avais jamais vraiment pris le temps. Pourtant, c'est quelqu'un que y a-tu quelqu'un que t'admires, mettons. Y a-tu quelqu'un qui aime pas Bruno Blanchet? Ben, ça me surprendrait. Là. Steph, tu l'aimes? Ben oui, je veux dire, faut vraiment être, tu sais. Faut être plate, là. Ouais. Je vois pas qui ne peut pas aimer ce gars-là. Pourtant, moi, en tout cas, dans mon entourage, comme je vous disais, on le suit peu. Ouais. Alors, on sait beaucoup c'est qui, mais beaucoup des gens qui l'ont vu à La fin du monde est à 7h ou qui l'ont suivi dans des émissions plus régulières. Le studio, dans mon cas. À le Canal Famille, ouais, c'est avant toi, ça. Ah, OK. C'est avant toi. Hein? T'as jamais écouté le studio? Il y a 12 ans, genre, tu sais, ça. Il y a comme 12 ans. Oh my God! Ça date de quelle année? Milieu des années 90, genre. Première moitié des années 90, ouais. Je crois. J'étais au primaire, moi. C'est ça, il était au primaire. Mais mon Dieu, moi aussi, j'étais au primaire des années 90, c'était pour jeune. Ouais. C'est pas une raison, les filles étaient plus avancées au primaire que les gars. C'est encore le cas aujourd'hui. J'irais voir ça sur YouTube. Ben, je l'ai vu passer le studio, justement, quand j'ai lu un peu la biographie de Bruno Blanchet. Moi, ce que j'ai beaucoup suivi sur YouTube, c'est La fin du monde est à 7 heures de lui. Puis elle n'agissait pas. Votre sécheuse. Ben oui, à Télé-Québec. C'était quoi l'émission avec Guy Jodoin? C'était le studio. Ah ben oui, j'en ai vu des extraits. Ben oui. Oui, je sais quoi. Je savais juste pas le comment géant ça château, le géant de château. Ah ben oui. Il y en avait plein d'autres. En tout cas, bref. Ben ouais. On c'était bizarre. Pas la ça. Alerte à Malibu. Oui, Nanotouanoun. OK. Bon, ben vous voyez, il nous fait rêver. Ben oui. Donc, encore une fois, il nous fait rêver dans cette émission-là. Alors, c'est 13 épisodes, c'est des épisodes de 60 minutes. Okay. C'est vraiment un compte-rendu télévisuel. Alors, c'est vraiment, au bout, c'est 80 jours de voyage. On a un compte-rendu de 80 jours de voyage. Alors, en 13 épisodes. Tout est vrai. Alors, ce que vous allez voir dans cette émission-là, vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est... On a l'impression que c'est scripté, que c'est monté. En fait, l'équipe et Bruno Blanchet s'inspirent des lieux pour nous raconter une histoire. Quand je vous dis que c'est vraiment nous raconter une histoire, c'est pas nous raconter la légende de ou nous raconter une histoire sur l'Inde quand il est sur l'Inde. Il va pas en Inde, ça va bien. Sur le Cambodge quand il est au Cambodge, ça va pas être une histoire comme scripté. On sent qu'il y a une grosse part d'improvisation, mais c'est vraiment. Monsieur Bruno, c'est un personnage dans l'émission qui voyage, qui explore des choses, qui prend contact avec les locaux, qui décide, Monsieur Bruno, pour une raison X, veut participer à un mariage. Alors, tout le long de l'émission, il va trouver une façon de participer à un mariage et il va nous narrer ça comme une histoire, comme une aventure, finalement, pour trouver une façon de voir un mariage. Et au travers de ça, il va nous envoyer des petites pépites, des informations, des brides sur comment se passe un mariage au Cambodge, par exemple, ou en Thaïlande, comment ça se fait là-bas, qu'est-ce qui est important pour participer à un mariage. Et il va rajouter des choses très rocambolesques autour de ça pour venir fleurir cette histoire-là, cette aventure-là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une case horaire d'une heure, parce qu'en une demi-heure, t'aurais été obligé de sauter par-dessus plein de détails. Non. Et puis vraiment approfondir le sujet un peu plus. Et c'est ça. Et vraiment, c'est du début juste... ce que Bruno Blanchet disait en entrevue, quand il se réveillait, les caméras s'allumaient. Ah oui. Alors, il se réveillait, les caméras s'allumaient, il commençait. Lui, il fait derrière le montage, il fait la narration. Alors, sur le coup, il voyage comme tel, mais vraiment en arrière, il fait la narration pour vraiment raconter l'histoire. Et vraiment, alors, il se réveille et il est toujours habillé. Et c'est ça, moi, qui me titillait l'œil au début. Toujours son petit son chapeau, alors son chapeau chic, sa cravate, sa chemise, alors son petit veston avec sa valise brune avec des autocollants dessus. C'est Monsieur Bruno. Oui, avec ses souliers en pointe italienne. Hein? Alors c'est vraiment un Monsieur Bruno habillé très chic. Ça fait très ça fait pas tâche, ça fait très c'est très comment je pourrais dire ça? Ça accroche l'œil quand on le voit en Thaïlande. Ça clash, disons, qu'il fait. Exactement. Il se démarque du reste de la population. J'osais pas prendre le mot anglicisme, mais merci. J'ai utilisé les deux, moi. C'est bilingual. Ah, c'est bon. Bilingual. C'est pour ça. Tutongs. Donc, oui, vraiment. Alors, c'est très le fun à voir, justement, ce partage-là avec les locaux qui. Il donne une allure encore plus clownesque, justement, d'utiliser cet habit-là pour aborder les gens, aborder la police, parler avec la police quand la police veut pas qu'il tourne, ouais. Manger des piments forts ou s'asseoir sur de la terre battue, à boire du thé avec quelqu'un qui lui parle de combat de coq, mais qui est habillé toujours en veston, cravate. Il passe pas inaperçu. Il passe pas inaperçu. Et c'est vraiment propre à l'esthétique, justement, de Bruno là-dessus et même à l'esthétique de l'émission. Et c'est ça que je trouvais super intéressant. Comme je vous ai dit, tout est vrai. Alors, même quand à la fin, quand il s'en va dormir, il éteint les caméras à la fin. Oui, okay. C'est ça. Un alors, peu comme à Canal Famille, à la fin de la journée du Canal Famille, il fermait la station avec un bouton. Tu te rappelles de ça? Ben oui. C'est vrai, pour vrai. Voilà. Il fermait la station avec un bouton. Ouais. Il aime ça être méta, tu sais, montrer. C'est une émission de télévision. J'arrête les caméras. Je pense que Vrak TV est arrivé vers les années 2000. C'est en 2001. Puis c'est ça, ouais. je devais à ta naissance. Je devais avoir comme 10 ans ou 9 ans. Je me rappelle de Canal Famille, mais je veillais pas aussi tard pour voir ça. Ça finissait à 7h le soir. Ah, pour vrai? Oui. Ah, mon Dieu. Mon je me couchais à 6h30 dans le temps. Ah, ouais. Ben, s'il y avait 4 ans. C'est ça, s'il y avait 4 ans. Avec ses catins. 4 ans avec ses catins. C'est des poupées, quatre. Ah, ouais, c'est ma grand-mère qui dit ça. Je suis jeune aujourd'hui, hein, c'est ça. Je suis celui qui est inexpérimenté. Je subis les blagues sur ma vieillesse à tous les jours. C'est bon. On partage. C'est correct. On y a ce qu'on aime. Donc, tout ça, cette émission-là est inspirée. Vous irez les lire, j'en ai lu plusieurs. C'est très intéressant. C'est vraiment dans le même style. Il a écrit beaucoup de chroniques dans la presse. Alors, de ses explorations qu'il faisait un peu partout dans le monde, qui écrit sous forme d'histoire. Alors, c'est sauf qu'il parle à lui comme étant l'acteur et non comme Monsieur Bruno, okay, que je vous rappelle, qui est un personnage. Oui. Qui parle de lui vraiment comme l'acteur, alors qui écrit ça vraiment comme une histoire. On pourrait quasiment croire à des nouvelles, des courtes nouvelles qui sont écrites sur ses voyages. Et c'est clairement inspiré de ça. Alors, ça date de 2011, ces chroniques-là. Et c'est clairement inspiré de ça pour ramener ça à la télévision. Mmh. Alors, il visite le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande. Il va vraiment participer à plein de coutumes là-bas. Alors, on va participer, il va tenter de voir un mariage. Alors, comment ça se fait un mariage? Et pour ça, tout le long de l'émission, il va aborder une vieille dame dans la rue qui va parler avec lui et qui va lui demander comment ça se fait un mariage. Et c'est une vieille dame choisie vraiment au hasard. Mmh. Et ensuite, il va inviter la vieille dame à l'émission. Il va la suivre longtemps pour jaser avec elle, construire l'histoire autour de cette vieille dame-là. La vieille dame devient un personnage de son histoire à ce moment-là. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et ensuite, ça va être de se trouver, bon, le costume traditionnel pour aller là-bas, de visiter, d'apprendre à danser comme là-bas. Et tout ça, raconté comme une histoire, comme si c'était un personnage qui devait vraiment, pour une raison X, vivre tous ces événements-là pour arriver à son but final, qui est de vivre un mariage dans ces lieux-là. Et c'est vraiment étrange, les mariages dans ces lieux. Ah ouais. C'est spécial. OK. C'est particulier. Ben, en fait, toute l'émission, toutes les choses qu'on va faire sont spéciales. Le puits. Je vais parler du puits à la fin. Happy Pizza. Connaissez-vous la Happy Pizza? Non. Pizza joyeuse? Oui, ouais, c'est ça. Un sourire en pepperoni? Oui, alors il y a, si je me trompe pas, c'est au Non, c'est en Thaïlande. Je suis plus trop sûr de mes sources. C'est un de ces pays-là, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Je pense que c'est en Thaïlande. C'est quelque part en Asie, je pense. Oui, c'est ça. Il y a des restaurants qui sont spécialisés en Happy Pizza. Et qui sont des pizzas, oui, faites avec des feuilles de marijuana. Ah, OK, c'est ça qui rend heureux. Oui, ah, c'est ça. Et Bruno Blanchet va les tester. Oui. Alors, hein? J'aurais tendance à croire qu'il l'a testé pour vrai, mais n'empêche qu'il va créer toute une histoire autour de ça. Le personnage va se perdre dans la ville et ça va être de retrouver la ville ensuite. Alors, ben en fait, il va se perdre carrément, il va se retrouver, il va vivre toutes sortes d'aventures avec un loco, toujours choisi au hasard, avec quelqu'un qui est un habitant des lieux. Alors, il va vivre toutes sortes d'aventures avec lui jusqu'à se perdre. Et tout le long de l'émission, ensuite, ça va être de retrouver la ville, de retrouver son hôtel et de parler avec les gens pour retrouver son hôtel, d'essayer de parler avec eux, de communiquer. Alors, c'est vraiment dans cet esprit-là que l'émission est faite. Alors, vraiment, c'est vraiment si on suivait une série, un épisode où, ce qui s'est passé avant n'a pas vraiment d'importance. Okay. Et le puits, le fameux puits, lorsqu'il va arriver dans un village, il va y avoir un puits où il n'y aura pas... Ben, en fait, il n'y aura pas de puits qui va être creusé dans ce village-là. Ce village-là doit parcourir des kilomètres, vraiment plus d'une cinquantaine de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Alors, c'est sans fin comme travail. Alors, il y a toujours des hommes qui sont partis pour aller chercher de l'eau. Quand il y en a un qui part, le jour d'après, il y en a un autre qui part pour qu'à chaque jour, il y ait quelqu'un qui ramène de l'eau. Un travail qui a pas de sens, qui a aucun sens, alors qu'ils savent qu'ils ont une juste en dessous du village, il y a de l'eau potable. Ouais. Alors qu'ils peuvent aller chercher, mais il y a pas d'argent pour aller chercher cette eau-là. Et durant toute l'émission, Bruno Blanchet, ce qu'il va chercher à faire, c'est à creuser un puits pour ramener de l'eau potable. Okay. C'est un gros projet. Hein? C'est fantastique. Ouais. C'est vraiment fantastique. Cette émission, juste pour cet épisode-là, ça vaut la peine de... Il a changé la vie de tout le monde. Oui. J'imagine qu'il s'est rendu à son oui, but. Oui, c'est ça. Et quand je vous dis que c'est vraiment improvisé, c'est qu'il s'est rendu dans ce village-là. Il a discuté avec les gens. Les gens lui ont dit que ben, il n'y avait pas d'eau potable. Puis en discutant avec le sage du village... il s'est rendu compte que ben il y a de l'eau potable juste en dessous d'eux. Ils ont creusé, puis oui, ils en ont trouvé un peu de l'eau, mais qui est mélangée à de la boue, tout, alors okay. qui est difficile à aller chercher ensuite. Donc, il faudrait vraiment mettre un puits là. Et tout le long de l'émission, ensuite, ça va être de trouver une façon d'aller mettre un puits, ouais. alors d'aller chercher des fonds. Et c'est toujours... Le Bruno a toujours son chapeau, veston, cravate. Alors, en même temps, il est présenté comme si c'était un riche oui, marchand. Il y a un crédible Monsieur Monopoly, presque. Oui, c'est ouais. ça. Et dans le village, tout le monde, mon Dieu, ils comprennent pas que quelqu'un de cette trempe-là ouais. soit avec eux et qui danse avec eux sur des rythmes endiablés ouais. autour du feu le soir. La danse de la pluie, eux. J'imagine, pluie, tu sais, comme un... Oui, ouais. c'est ça. Ben ouais. non. Alors qu'ils se mettent à danser avec eux, tout ça, de façon très libre. Alors, c'est très beau le partage qui se fait avec ce village-là. C'est très beau le geste qu'il va faire. Bref, vous savez un peu comment ça finit. Je pense que c'est, vous vous en doutez. Ouais. Mais c'est de voir tout le chemin qu'il va faire pour se rendre là et le partage qu'il y a avec ce village-là qui est très intéressant. Et juste, comment qu'il creuse le puits aussi, c'est assez... Bon, c'est Bruno Blanchet. Est-ce que monsieur Chose Tuyau, là, le plombier, là, les petits tuyaux, le tout petit tuyau, non? Le personnage en ouais. Ajustez pas votre sécheuse, c'est quoi qu'il fait déjà? C'est le plombier, là. Le personnage du plombier de Bruno Blanchet dans N'ajoutez pas votre sécheuse, ça rappelle pas de ça? N'ajoutez pas votre sécheuse, j'ai pas vraiment écouté pas, ça. Okay, j'ai écouté ça, plus ça. Le studio. C'est le plombier qui est petit studio. En tout cas, bref. Ouais. Ceux qui comprennent, comprennent. Mm-hmm. Puis ceux qui se disent que je le raconte tout croche, parce que je le raconte tout croche. Mm. ouais. Ah, ça te déraille, tu une chronique, ça y est, un peu? Un commentaire de même, ça te déraille, on le met. C'est normal. Non, moi, je. C'est là, c'est dans ces moments de même que je mets mon cerveau à œuf, puis j'en tourne le coucher. On est comme une parenthèse dans ta journée, là. Oui, c'est ça. Donc, alors, bon, c'est le moment que je vais vous faire des aveux. OK. Ben, l'émission, on peut pas la réécouter. Outrage! Ça va rejouer en reprise, éventuellement, ça, là? Ben ouais. C'est pas annoncé. Ben oui, c'était Invasion, c'est sûr qu'il va y avoir des reprises. Ils ont rien que ça, des reprises, exact. Sur le forum d'Invasion, il y en a énormément qui demandent à ce qu'il y ait des reprises de cette émission-là. Invasion a répondu directement en disant qu'il, pour l'instant, il n'y en avait pas de prévu. De saison 2 non plus. Il n'y a pas de saison 2 de prévu. Et personnellement, je pense qu'il n'y en aura pas. Ah ok, ça coûtait trop cher faire un puits peut-être, hein? Du tout. Non, ok. Du tout, ben non, c'est tout... En tout cas, je vous laisse découvrir comment c'est fait ça, le puits. C'est je ça. Vous laisse découvrir. Le puits est fonctionnel. Je tiens à dire que le puits est fonctionnel et qu'encore aujourd'hui, il doit marcher, mais je vous laisse découvrir comment il le fait. Donc, c'est une émission qui doit avoir pratiquement rien coûté parce que la façon que c'est parlé, c'est quasiment comme si c'était pas sur un coup de tête. C'est des voyages qu'il aurait fait de toute façon, peut-être, quelque chose comme ça, on sait pas. Oui, ben c'est ça, qu'il voyage là-bas, ben c'est surtout que c'est une émission qui lui permet de faire une autre émission aussi ensuite sur un autre canal. Okay. Alors, sur Zest, il va avoir une autre émission, mais je vais en parler un peu plus loin. Mmh. Donc, vraiment, c'est une pierre deux coups qu'il fait avec cette émission-là. Et vraiment, les caméramans qui sont là, c'est plus vraiment au montage, peut-être que ça coûte un peu plus ouais, cher. En ce moment, il n'y a pas de rediffusion, mais il y a des extraits de chacun des épisodes. Des 4-5 minutes de chaque, on dirait. Oui, c'est ça. Qui sont très intéressants aussi à voir. Qui sont vraiment intéressants, j'en ai écouté plusieurs. Ça s'écoute très bien, ça montre très bien c'est quoi le style de l'émission. Et si par chance, il y a des rediffusions, je suis sûr que ça va vous donner le goût de réécouter, d'écouter ces émissions-là pour découvrir les vacances de Monsieur Bruno qui sont juste une aventure. C'est quasiment meilleur que... Oh non, c'est meilleur que certaines séries. Ah ouais. Un petit coffret DVD de ça serait pas trop, il me semble, que ce serait le fun. Mais moi, je pense ouais. que ce serait la moindre des choses qu'il y ait des reprises. Justement, c'est une émission qui coûte cher à produire. Soit rentable. Il faut que tu rentabilises ouais. en la diffusant plusieurs fois, surtout si les gens la demandent. Là. Mais justement, peut-être qu'ils créent de la demande le plus possible. Tu disais que ça a été tourné à l'automne passé, donc c'est récent. Ouais. Ils ont le temps de laisser languir les gens puis arriver à l'automne prochain. Parce je sais qu'en pas, en ce moment, c'est une des choses qu'on voit le plus qui se discute sur la... Qui s'écoute sur la chaîne? Discute sur la toile okay. Des gens qui veulent des rediffusions de cette émission-là. Alors, c'est une émission que ces gens-là qui l'ont écoutée ont vraiment... C'est des coups de cœur, alors généralement, il y a une demande ouais. pour qu'il y ait des rediffusions, donc il devrait y en avoir. Ah, l'été, c'est la place pour ça. L'été. Ah oui, l'été. Ça va être diffusé cet été. Mais, hein? Sur Zest, okay. il va y avoir une émission où là, en ce moment, ça a commencé. Si ça a commencé, ça fait vraiment pas la longtemps. La semaine passée. La semaine passée, ok. Cool. Manger le monde? Steph, elle écoute Zest comme j'pense, tout le temps. Je pense que c'est la semaine passée que les nouvelles émissions à Zest commençaient. Ah, ok. Bon, ben, on a une nouvelle émission, ça s'appelle Manger le monde. Manger le monde, qu'est-ce que c'est? C'est avec Bruno Blanchet. Non. Oui, je te jure, c'est tout. J'aurais jamais deviné. C'est un lien infini. Ah ouais. Alors, attends de voir le lien que je vais faire la semaine prochaine. donc, Manger le monde. Alors, c'est Bruno Blanchet qui se promène encore dans ces pays-là et qui découvre des choses étranges à manger, qui goûte. Il a goûté à des alcools très forts, il a goûté à des piments très forts. Et, ce qui a déjà été fait de manger des nourritures bizarres sur ces chaînes-là, mais lui, c'est avec ça. Son humour à lui, tu sais. Et pour les extraits que j'ai vus, il a encore son chapeau, il a encore son veston. Alors c'est. Mais pourquoi changer de garde-robe? Probablement que c'était tourné en même temps. Oui, c'est ça. Il fait le montage, la narration, la production, tout ça. Et il a deux émissions en même temps. Je veux dire, le gars, fou. C'est parce que ça se passe encore en Asie du Sud-Est, donc je vois pas pourquoi ça aurait été tourné après. Il a fait le tour, tu sais. Ce que j'ai vu des extraits, c'est. Ça devrait être dans le même style narratif que les vacances de M. Bruno, cette fois vraiment plus sur un accès de. Qu'est-ce qui se mange là-bas. Alors de découvrir ça. Cool. Je vous laisserai sur une citation, quand même pas pire citation, okay. de M. Bruno pour vous donner une idée encore plus précise de ce qu'il fait. Surtout parce que je trouvais la citation, malgré qu'elle soit longue, très drôle. Donc, c'est Bruno Blanchet qui parle et qui répond à... qui répond au public finalement. Alors, beaucoup avant que l'émission Les Vacances de M. Bruno apparaisse, beaucoup de résumés qui étaient très flous. On savait pas trop c'était quoi cette émission-là. Très difficile à vendre avant qu'elle sorte. Oui. C'était difficile de savoir de quoi ça allait parler. Pendant un moment, on nous a parlé d'une critique sociale, on nous a parlé d'une découverte des minorités, on nous a parlé d'une découverte de la pauvreté aussi. De toutes sortes de choses que les diffuseurs, les médias nous ont parlé. Et Bruno en a entendu parler et a répondu ça à tous ces médias-là au public. Alors, vous allez lire toutes sortes de résumés un peu froufrou sur l'émission qui vise à vous faire croire une quête intellectuelle à une lueur d'intelligence avec des expressions comme « préserver l'identité des peuples » et « le bulldozer de la mondialisation » et je sais pas quoi encore, mais s'il vous plaît, n'y croyez rien. Parce que ça, c'était l'ancien projet, le sérieux, celui d'hier, avant le départ. Les voyages de M. Bruno, nouveau, est vite devenu une virée mémorable de 90 jours en Asie du Sud-Est avec une bande de fous furieux qui tournent tout ce qui bouge, animé par un ex-mime qui avait envie de renouer avec son passé de clown et qui avait toujours eu le goût d'aller tourner des niaiseries dans un autre pays. Et qui a réalisé son plus grand fantasme et qui ne regrette qu'une seule chose maintenant que le tournage est terminé et c'est de ne pas avoir amené petite dent. Désolé. Je l'ai oublié à Bangkok. Ah! Mais j'en ai emmené plusieurs autres par contre, et des nouveaux et des plus insignifiants encore. Et Tidan, c'était un des locaux justement qu'il avait choisi, avec qui il se promenait un peu partout et qui était un personnage finalement, qui était devenu un personnage sur un coup de tête de son émission. Ouais. Exactement. Donc c'est vraiment ça, les vacances de Monsieur Bruno. C'est génial. Donc Manger le monde sur Zest à pas manquer si ça vous intéresse de voir un peu ce style-là et de pas manquer aussi Bruno Blanchet. Et ma note finale, ce serait une piscine de balles, mais propre. Les piscines de balles d'enfants, mais stérilisées. Parce qu'une piscine de balles tout court, ça peut paraître, on peut être méfiant, mais non, là, elle est propre. On vous l'annonce, elle est propre. Prête à être utilisée par nous tous après l'émission? Oui! Génial. Oui! Et j'ai justement apporté une piscine à balles. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. Une très bonne chose que tu me parles de séries québécoises une fois de temps en temps, j'apprécie ça. Puis plus, quelque chose de quand même obscur. Comme... En étant Bruno Blanchet, donc je trouve ça cool. Comme je disais, je l'ai dit dans une chronique avant, trouver une série qui parle d'une série un peu plus classique. Ouais. Alors, par exemple, comme La Théorie du Chaos, série noire, c'est des séries souvent que dans le milieu québécois, c'est tout petit. Alors souvent, c'est des séries qu'on a entendu parler. C'est ça, exactement. Faudrait que je m'aventure dans les web-séries pour sans doute en trouver des petites pépites. J'ai tenté de le faire, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a accroché assez pour que j'en parle vraiment pendant un bon 30 minutes. Alors, j'hésitais, et sur Canal Évasion, il y en a des merveilleuses, je suis sûr que je vais en découvrir d'autres. Parce que dans le fond, sur Zest aussi, il y en a beaucoup des émissions québécoises à découvrir qui sont vraiment intéressantes. Original. Oui, moi j'hésitais entre Les Vacances de Monsieur Bruno et Le Pim des Saucisses, alors... oui, c'est ça. Mais Bruno Blanchet, j'ai hâte qu'il fasse un dérivé avec Pierre Bruno et Colette Branché, qui s'en vont en voyage, parce que tu sais, clairement, les rumeurs, sûrement, j'imagine, ils se couchent ensemble. Et qu'ils les envoient en voyage en Thaïlande. fais un petit massage de Pierre Bellon. Oui. Bonjour. Merci, Fred. Et ne manquez pas ce soir, Manger le monde à Zest à 18h30. À 18h30, l'épisode 2. Donc oui, ça a commencé la semaine dernière. On parle de ce soir, mercredi 1er avril. Oui, sinon, il y a plein de rediffusions. Là. Jeudi 9h, vendredi midi, samedi midi 30, dimanche 18h et mardi 6h le matin. Parfait, ça. Vous n'avez pas de raison de le manquer. On va se faire couper. C'est parfait. Mardi 6h le matin, juste avant Assemblage requis. Ben oui, pour se réveiller. C'est impeccable. Ben raison. Ouais, non, c'est ça, j'allais dire qu'on allait se faire couper par notre ami le plombier magique. Oh, c'est un coffre d'outils. Et il arrête l'eau juste avec sa main, puis il n'y a même pas de camion. C'est le plombier magique. Il y a juste un petit bout de tuyau. Et il ne mâche pas ses craques. Le plombier magique. L'ami des animaux, parce que les animaux, ils savent. Le plombier magique, il aime pas ça au pet shop. Il plante son petit bout de tuyau dans terre. Il met du jus de plombier. Et le plombier magique monte au pays des plombiers. Oui, des plombiers magiques. C'est son tuyau de plombier magique. C'est le plombier magique. Et c'est comme ça qu'il a fait un puits. Il y a un peu de camion en plus. Bon. Donc, vous êtes bien, bel et bien à Assemblage requis. Et on prend la pause au retour. Ça va être bien sûr, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a! Assemblage requis! Ah! J'ai écouté tout le plombier magique, mais il faut l'arrêter. Non, bye, plombier magique! Bye! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce mercredi 1er avril 2015, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 9h30. On va continuer avec ça ne devrait pas rouler dans quelques instants, mais avant ça, voici une nouvelle entrée du côté anglophone dans les palmarès, c'est Humans. Et la pièce s'appelle Follow. On écoute ça à l'instant sur C'est fou, dans vos oreilles. Les spoilers à TV, là. Tu me dis pas le personnage qui est mort sur la une du Journal de Montréal, parce que ça, c'est inévitable. Tu me dis pas, tu mets pas sur Facebook, quand t'es fan d'une émission, la photo de la personne qui meurt dans l'épisode d'hier soir, tu fais pas ça. Mais non. Pas compris? Moi, voyez un épisode, un extrait exclusif de l'épisode de la semaine prochaine. Non. Mais non. Non. Mais non. Non. Tu vas voir ce qui va se passer. Dans une semaine de délai, c'est comme ça que ça marche. Les gens, là, ils écoutent pas la télé en direct en 2015. Ils écoutent le soir même, plus tard, dans la soirée, le lendemain ou dans la semaine suivante. C'est tout. Au pire, tu sais, c'est parce que ça se peut que ce soit juste ton décodeur qui ait décidé qu'il l'enregistrait pas. Faut que tu l'écoutes sur ton point TV, exemple. Puis il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti. Puis là, toi, tu vois tout ce qui s'est passé. Ouais. Ah non, non, non, non, non, non. Hey, on s'entend. Pour une fois. C'est rare. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, on va acheter des affaires, sauf si on s'entend là-dessus, dépenser de l'argent frivolement. Ça, on fait ça pas mal. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles achetés sur Internet. On a une petite 10 minutes en cette fin d'émission. On n'en fera pas beaucoup, mais je peux vous annoncer déjà qu'on va en faire demain à l'émission. Donc, soyez-y, jeudi. Bref, on commence avec McDonald's. Tu connais? Vaguement, c'est le fermier, je pense. Oh, McDonald's at a farm. E-I-I-O. C'était, oh? C'est le fermier dans. Je sais pas, je connais la version en français. Il s'appelle comment? Monsieur Mathurin, je pense. Ferme ouais, Mathurin, à la ferme Mathurin. Bref, en anglais, Monsieur Mathurin s'appelle Monsieur McDonald's et il vient de sortir, en fait, c'est pas McDonald's qui sort ça, mais des gants en forme de frites et de casseaux de frites, dans le sens que tes doigts sont des frites et tes mains avec ton pouce deviennent le casseau de frites. Mais là, c'est dangereux! Tu peux te faire manger à la main! Tellement! C'est donc, Mais c'est pour donner vie au dicton, mange ta main, garde-la pour demain! Ah, c'est ça! Donc, c'est McDonald's The French Fry Gloves, un design d'une agence de publicité de Dallas, Maroc. Donc, dans une campagne promotionnelle, vous pouvez aller voir donc les gants sur assemblagerequis.com. Aucune idée si on peut les acheter. D'après moi, non, mais on va aller voir quand même. Hein. D'après moi, non. Je pense pas. Ensuite, on y va avec une table tournante en Lego qui fonctionne pour vrai. C'est un fan de Lego coréen, Ayarobi, qui a construit cette table tournante en Lego. Ayarobi? Ayarobi. Alice Robi? Pour la 2014 Seoul Brick Pop Art Exhibition, donc une genre de Obi-Wan Kenobi, c'est ça que t'as dit? Ça s'appelle The Planet, c'est fait avec 2405 et briques. Tout ça fonctionne avec une battery box, donc ça s'appelle une Lego Power Functions Battery Box. Ah, ça utilise un M-Motor. Et la seule chose qui n'est pas faite en Lego, c'est la cartouche phono... je connais pas les termes, mais Audio Technica, qui fabrique la petite cartouche pour pouvoir lire les vinyles. Et il y a même un amplificateur qui va avec et un case pour les haut-parleurs, pardon. Donc vous pouvez voir les photos de cette machine, cette table tournante fonctionnelle, en petite vidéo sur assemblagerequis.com. On commence avec beaucoup de choses qu'on peut pas s'acheter. Ah, ça reste trop cool. Ouais. Ben c'est ça, on n'a pas de gadgets à ne pas acheter. En fait, je pourrais juste changer le slogan. C'est des gadgets en général. Bon, ensuite, on a parlé donc d'une table tournante en Lego. Mais il y a maintenant un ordinateur qui fonctionne en Lego. Qui est fait à partir de Lego, mais qui fonctionne. Ah. C'est pour ça que je voulais dire. Donc, c'est le Mike's Lego Computer qui mesure 7,5 pouces par 7,5 par 6,5. À la place de faire un cube, il a fait un prisme. Mais c'est comme un Lego en forme de Lego. C'est genre, exact. C'est un lock 1. Non, c'est un 4. C'est 4. Ouais, t'as raison, les cubes. Ouais, les 4. T'as raison. Il y a 4 pinoches dessus, c'est assez évident. Donc, c'est à l'échelle 12 pour 1, d'un bloc 2 par 2. Voilà. Il y avait trop de chiffres dans ta phrase. Bon, c'est ça, un bloc de... Moi, j'avais dit un bloc à 1, toi, t'avais dit un bloc à 4, mais c'est un bloc de 2 par 2. 2 de hauteur par 2 de large par 2 de... Voilà. De profondeur, bref. C'est le petit cube traditionnel que tout le monde aime. Le classique. Donc, les composantes sont montées avec des blocs Lego. Et les boutons et les ports sont couverts de pièces Lego. Donc, ça reste un vrai bouton, mais ils ont mis un Lego par-dessus pour que ça ait l'air d'un Lego... Fait qu'il y a du bacon dedans, c'est ça? Comment? T'as dit les porcs, t'as dit porcs, t'as parlé de cochon. Steph, là, t'es trop anti... Anti quoi? Anti cachère, je sais pas. Ouais, il y a ça. Ouais, genre, en effet, je pense qu'on peut le dire, on n'est pas du tout cachère. Vraiment pas. Moi, je suis zéro cachère, faut pas... essayez pas de me cuisiner. Non, c'est ça, cachère chaillère, assiette. Cachère. Un jeu de mots cachère, bien déplacé, ça. Bref, allez voir les photos et comment ça fonctionne. La petite la place où l'air peut sortir de l'ordinateur et l'air peut entrer aussi. Tout ça sur assemblagehockey.com. Aussi les ports, les prises arrière de l'ordinateur. Ensuite, c'est un contenant K-Safe qui va barrer votre nourriture, mais selon différents critères. On a déjà parlé de pots de biscuits et de pots de différentes choses à manger, de crème glacée entre autres, pour empêcher les gens de voler vos affaires dedans. Il y a des bouteilles de vin aussi avec des barrures. Ouais. Dans le temps. Mais là, le K-Safe, c'est un contenant qui barre tout ça, mais avec des critères. Des critères par rapport à votre activité et à votre situation, votre localisation. Pour commencer, vous pouvez barrer le K-Safe jusqu'à 100 jours comparé aux 10 jours du Kitchen Safe dont on avait parlé l'autre fois. On peut aussi les barrer seulement lors d'une date spécifique, d'une heure spécifique ou d'un mois spécifique. On peut aussi garder le couvercle barré jusqu'à ce qu'on se rende à un certain endroit. Disons, amener l'affaire dans un endroit et à partir de là, ça va débarrer. Mettons, ça si peut être pas bon, manger. Si tu dis tu fais un régime, oui. Puis tu dis, moi, je me gâche juste vendredi, ta crème glacée est safe là-dedans jusqu'à vendredi? C'est ça. Ou mettons, tu mets de la bouffe pour aller au chalet et puis les enfants seraient tentés à peut-être manger dedans un petit peu. Ben, tu le barres. En y allant. La localisation va être le chalet. Donc, tu vas pouvoir attendre jusque-là. C'est vraiment une super bonne idée. C'est sur Kickstarter. Ça a été un choix de l'équipe de Kickstarter. Il y a aussi, tu peux... ça, c'est encore plus intéressant. Ça peut être jusqu'à ce que tu te rendes à une cible. Par exemple, le nombre de poids que tu as marché ou le nombre de calories brûlées. Oh. Selon l'application santé de Apple, par exemple, sur ton iPhone ou peu importe, appareil iOS. Donc, ça va compter tes pas ou tes calories. Et ça va débarrer seulement lorsque tu as, dans le fond, annulé un peu ce que tu vas manger, finalement. Cool! C'est vraiment super bien. Et on peut utiliser le K-Safe avec d'autres coffres-forts avec une option de barrure par mot de passe. Ça coûte $75 américains sur Kickstarter. Ça, c'est environ... ben, Colin, comment ça fait que c'est remis à l'euro encore? La semaine passée, il a fait la même chose. Il faut que j'aille barrer ça sur les dollars canadiens. Bref, comme récompense sur Kickstarter. En euros, c'est combien? 73. Ah! Ça a de l'allure, hein? Ensuite, c'est un jeu de risque. Tout ce que t'aimes pas risque... Non, j'aime pas ça partout. Donc, peut-être que t'aimerais ça, c'était Game of Thrones. Oh, ça combine ta plus grande passion avec ton pire dégoût, genre dédain. Ouais, oh, je sais pas quoi faire, je suis comme neutre. Donc, le Risk Game of Thrones, The Game of Strategic Conquest, qui mélange deux mondes en même temps, est aussi le Risk Marvel Cinematic Universe. Steph, je sais que t'aimes Marvel. Mais oui. Donc, Avengers et qu'est-ce qu'il y a d'autre de Marvel, entre autres. Mais bref, c'est Marvel Cinematic Universe, l'univers. Mais Avengers, c'est une gang de super-héros. C'est ça, donc ça les regroupe tous, fait pas besoin de préciser qui est dedans, c'est ça. Ben, pas tous, non. Plusieurs. Les plus plusieurs. Importants, les meilleurs, les plus beaux, les bons acteurs. Non, juste comme des personnages, ça a donné qui étaient là en même temps. Ouais. Donc, il y a des risques basés sur les émissions de télé et des films depuis longtemps, mais maintenant, on a une version... en fait, ça s'en vient bientôt. La version Game of Thrones va sortir en août 2015. Et la version Marvel Cinematic Universe va sortir... en fait, c'est en précommande. Présentement, ça va sortir au mois de septembre pour $75 américains pour Game of Thrones et $50 pour Marvel. Pourquoi est-ce que c'est... juste 50$ par rapport à 75$, j'ai aucune idée, mais c'est ça pareil. Ben, peut-être qu'ils chargeaient pas le même prix pour les droits d'auteur. Probablement. Alors que pourtant, je me serais dit le contraire, parce que Marvel regroupe beaucoup plus de personnages mythiques de super-héros. Marvel est un peu plus exporté déjà. Oui, c'est vrai. Fait que j'imagine que c'est plus accessible. Et un peu. Game of Thrones, c'est HBO, ça? Ouais. Coûte cher, les affaires d'HBO. Ouais. Tout ce qui est HBO coûte vraiment cher dans la vie. Fait que sûrement que oui, ça a dû coûter plus cher à la compagnie. Ensuite, c'est les Color Cutter Shape Shark qui découpent tout en dessinant, Steph. Des ciseaux, ouais. Des ciseaux, c'est indispensable pour le bricolage. C'est versatile, c'est pas trop cher. Perry Terry Toys nous sort une alternative. C'est un crayon feutre avec une petite lame au bout. Ça s'appelle donc les Color Cutter Shape Shark. Le marqueur, et dans le fond, le combo marqueur et lame vont faire que tu vas pouvoir faire des petites formes. Avec le ciseau. Tu sais, avec un attachement nommé un spinner aussi, pour tenir un angle dans le papier pour faire vraiment les formes que tu veux. Et ce qu'on voit dans les photos, c'est entre autres un tourbillon qui a été découpé avec ce gadget-là. Comme on l'a appelé une spirale. Une spirale, oui, en effet. Et on voit que le crayon feutre a coloré en même temps que ça découpait la forme, donc ça fait une forme de spirale avec les côtés dessinés en trait rouge et l'intérieur en papier blanc. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagehockey.com. Présentement, ils veulent sortir une version sans encre pour que tu sois capable de couper sans dessiner pour faire juste des formes spéciales avec. On demande $15 américains sur Kickstarter pour recevoir le Color Cutter Shape Shark set avec 5 marqueurs, un spinner et un tapis de découpage. Ça a l'air de vraiment bien aller. Tout a l'air de super bien découper et elle dessine aussi dans sa main pour montrer que ça coupe pas dans ta main. C'est je vrai. Sais pas pourquoi. C'est cool, hein? Et sur le tapis, on voit qu'elle fait une forme. Elle va juste faire des zigzags un peu n'importe comment sur la table à dessin. Et le crayon feutre, tu l'utilises comme un crayon feutre, mais en même temps, il y a une lame dedans, donc ça coupe et ça fait cette forme-là. Donc elle peut enlever le reste de la feuille. Ben, la personne, je sais pas si c'est un gars ou une fille, elle peut retirer l'arbre qu'il ou elle a dessiné. Donc c'est deux personnages, un gars et une fille. Ben ouais, c'est pas ça super original. Non, c'est ça. Bref, moi, je pensais que c'était un brocoli. Ça aurait pu être ça. C'est une montre qui ne dit pas l'heure, Steph. La semaine passée, ou il y a deux semaines, on l'avait découvert dans la Loot Crate du mois de mars. C'était la petite boîte de gadgets qu'on reçoit une fois par mois. Il y avait une montre que tu tapais dessus pour afficher l'heure. C'était furtif et il n'y avait pas d'heure en temps normal dessus. C'est ça. Petit bracelet en caillouchouc. Genre, c'était quand même cool. C'est toi qui l'as gardé d'ailleurs. Et là, à la place de ne pas avoir l'heure, non seulement il n'y a pas d'heure en général, mais à la place d'avoir l'heure, c'est remplacé par des fourmis dedans. Hein? Donc c'est des fourmis qui vont vraiment jouer dans votre montre. Est-ce qu'elles donnent l'heure, les fourmis? Non, du tout, elles ne donnent pas l'heure. C'est seulement un bracelet en forme de... en fait, c'est ça. Là, dans l'article, on dit que c'est une montre fourmi à 59$ de Analog Watch Company. On n'est pas sûr, c'est pas une blague du poisson d'avril. Ça pourrait l'être, ça a l'air assez suspect. Mais quand même, il y a un petit gif animé pour vous le montrer. 3 à 5 fourmis à l'intérieur en même temps. C'est remplissable. Est-ce que ce sont des vraies fourmis? Ben, c'est ça. C'est 5 souris vivantes selon l'article. Souris. Fourmis. Voyons. Hey, ça prend une cuisse de grosse porte. Ah! Donc, fourmis vivantes, du sable et t'as des petites gouttes d'eau et des pinces et un paquet d'affaires comme ça pour ouvrir le truc et prendre soin de ces fourmis-là. Pour vrai, ça a vraiment, vraiment, vraiment très, très l'air d'une blague de poisson d'avril. Elles vont vivre entre 4 et 6 mois. Et ça vient avec un an de vraies fourmis, nous disent-ils. Ils vont vous envoyer une nouvelle batch, un nouvel ensemble de fourmis à chaque 4 mois. Voyons donc. Et si t'en as pas besoin, tu peux juste les libérer dans ton terrain. Ouais, ça a l'air louche, hein? Très suspect. Mais c'est pour ça que faire une chronique comme celle-là pour le 1er avril... Tu sais, comme tantôt, mettons, pour le Mathieu Plancheau, on s'entend-tu que j'ai pris aucune nouvelle depuis... Ben ouais. Tu sais, mettons. Et on va terminer avec un dernier. C'est simple, pour ceux qui ont besoin de tout le temps ouvrir une bouteille d'alcool... Toujours. Ceux qui veulent tout le temps avoir l'accès à une bouteille de bière, une bouteille avec un capuchon qui s'enlève avec un ouvre-bouteille de liqueur, genre... on peut ouvrir une bouteille de plein de façons avec les dents, sous quoi d'une table, etc. Mais pourquoi ne pas traîner dans sa poche le Pico Bottle Opener? C'est plus petit qu'un 25 cents. C'est du 0.100 pouces de titane, fini à la pierre, je sais pas trop quoi. Ça vient avec un outil pour... ça vient avec un truc pour l'attacher après ton porte-clés. Mm-hmm. Et c'est un minuscule bout qui pendouille et qui va pas te faire mal à la cuisse parce que c'est vraiment... Le bout est très, très rond. Ça n'a pas l'air coupant du tout. Non, ça a l'air très agréable. Et le principe du levier est utilisé par l'anneau qui va avec ton porte-clés. Donc, il faut que tu l'enlèves dans ton porte-clés. Et l'anneau sert de levier. C'est cool, hein? Pico Bottle Opener, c'est super minimaliste. Et puis, ça coûte 11$ américains. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est pas cher. Ça nous prend ça. C'est pas cher. Ah, OK, je vais finir avec celui-là. Le dernier pour vrai. Ceux qui veulent faire de la couture, mais qui veulent pas se soucier de mettre leur fil dans l'aiguille, ouais. On te vend sur Internet pour 3$ le Singer Sew Quick, Threaded Hand Needle Kit. C'est un kit avec l'aiguille déjà passée dans le fil. Ben, tu peux pas changer de couleur. Ben, ça vient avec toutes les couleurs que tu peux vouloir. Le bleu, le vert, le mauve, le rose, le bleu plus pâle, le vert plus pâle, le bleu plus foncé, le rouge plus foncé, le noir puis le blanc. Mm-hmm. Toutes les couleurs que tu pourrais vouloir, là. T'as 3 sortes de bleu, t'sais, c'est vraiment varié. Donc, c'est ça, c'est à acheter sur Internet, sur Amazon, 3$. Pour ceux qui ont des mauvais yeux, j'ai vu la publicité à la télé récemment de lunettes vraiment affreuses que tu peux porter puis qui te rapprochent de tout. Fait que là, tu vois les personnes dans un centre d'achat passer l'aiguille, le fil dans l'aiguille, puis font comme « Wow, je suis capable maintenant de passer mon fil dans l'aiguille! » Vous pouvez en avoir 2 pour 20$ si vous appelez maintenant. Fait que sauvez-vous l'appel en prenant ça à la place. Voilà. C'est tout. Pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'était rapide en maudit aujourd'hui. On n'avait pas le temps de plus que ça. Oh. C'est comme ça. Et oui, il faut que ça se termine. Les liens sont sur le site. Et puis nous, on termine l'émission comme ça. Ah, je sais, Steph. Je sais. Pleure pas, Steph. C'est pas incroyable. On sera de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Plus tard sur nos ondes, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est en direct et c'est tout nouveau dans le marathon du mercredi. Ensuite, à 15h, les palmarès c'est fou. Et après ça, à 18h, c'est Audiobatique avec de la musique électronique. À 19h, les Audacieuses avec des découvertes musicales. Mais dans quelques instants, à 10h, ce sera cool d'être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. On se quitte sur notre chanson thème parce qu'elle est tellement bonne. Puis on se retrouve demain à 16h30. Merci Steph. Merci Mathieu. Merci Véronique Mir. Merci Frédéric Bernard. Tout le monde là. Salut les petits requins. Ah. Allô. Merci le petit plombier. Yeah.